Cocon Millennial vous est présenté par... Les bâtons de la mort. Ah, les bâtons de la mort. Tu les stiffes, les bâtons de la mort. Tu te les fous partout, les bâtons de la mort. J'aime ça, les bâtons de la mort. Les bâtons de la mort. Ah, les bâtons de la mort. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millennial, le podcast qui ne comporte vraiment aucun Jedi, je vais vérifier. Vous pouvez regarder, c'est dans mon podcast. C'est pour ça que c'est un super podcast. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui, accompagné comme à chaque fois de mon équipage composé de Tuki. Yo. Matt. Salut. Et Adrien. Bonsoir. Pas de petite chanson cette fois-ci, Adrien. Non, pas de jingle, non. On va y aller calmement aujourd'hui, parce que pas trop d'humiliation d'un coup. Hein. Il a pris son cachet aujourd'hui, si tout va bien. Encore pas trop d'humiliation pour nous, on va rester calme. Par contre, Ximnut, notre Ximnut adoré, n'est pas là pour le moment, car il a temporairement rejoint une cellule rebelle. Mais ne vous en faites pas, il sera bientôt de retour. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait être très dur. Il pourra rien nous dire. Ouais. Oh, regarde-moi comme je suis dur. Mauvaise idée, finalement. Je regrette ce que j'ai dit. La semaine dernière, il y a eu une grosse annonce. Et donc, maintenant, nous savons ce qu'est le fameux projet Luminous. Vous vous en rendez compte? On vous en parlait la dernière fois et on vous disait pourquoi on en parle maintenant. Et ben, voilà pourquoi. Ça mérite quand même un petit jingle. Moi, j'ai fait un Adrien, je sais pas. Mais non, je vais le préparer. Luminous, tu l'avais composé, tu veux dire? Ouais, tu crois quoi? Non, mais je sais pas, je crois que c'était venu comme ça. C'est des heures de préparation. Hein. Oui, ça s'entendait. Du coup, accrochez vos ceintures et on vous explique tout ça. Donc, le projet Luminous, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la Haute République. Qui est-ce qui s'occupe de ça? Donc, comme on avait dit la dernière fois, c'est donc les auteurs et autrices Charles Soule, qui s'est occupé principalement de comics, mais qui cette fois-ci a écrit un livre. Claudia Gray, qui est la meilleure. La maman des romans Star Wars canon, c'est la daronne du game. Hein. Justina Ireland, donc, dont on parlait, qui fait du roman vraiment jeunesse. Il y a évidemment Guinness qui miaule dans le fond. Daniel José Holder qui lui avait écrit Last Shot, Baroud d'honneur, et qui là est sur les comics. Et pareil pour Kevin Scott qui avait écrit Doku Jedi Lost, donc qui est un roman et aussi un audiodrama, une fiction sonore, qui lui aussi s'occupe de comics. D'ailleurs, il me semble que dans... Bon, on va rater après, mais dans Jedi Lost, il me semble qu'il y a quelques liens avec ce qui va venir dans le projet. Exactement. Comment il s'appelle? Charles Soule et Kevin Scott qui ont mis un peu de références, et Claudia Gray aussi un petit peu, qui ont mis quelques références à la Haute République. Dans leur dernier livre, ouais. Ray Carson ne fait pas partie du projet, on pense très fort pour l'audience. En vrai, la peau. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est quelque chose donc, qui remonte à 2014, où ils ont voulu faire un truc spécifique donc, pour tout ce qui est Star Wars publication, en fait, tout ce qui est livres, comics, et on verra d'autres aussi, par exemple des mangas, des trucs comme ça. Ça fait depuis 2014 que ça fait 2014 que les premières idées ont commencé. D'accord. Et je crois qu'ils sont vraiment mis au travail en 2018. D'accord. Je vais beaucoup t'interrompre parce que vu que moi j'ai rien préparé comme d'habitude, je suis venu vraiment avec le zob sur l'épaule. J'ai lu quelques petits trucs sur l'annonce, mais vraiment pas grand chose. Donc je vais souvent t'interrompre pour te poser plein de questions. Ok, non, mais en fait c'est pour ça que je t'ai dit de pas chercher. Mais ça m'a arrangé, t'inquiète pas, j'avais pas envie de faire mes devoirs. Non, mais oui, tu préférais faire une nouvelle, des nouvelles toilettes. Une nouvelle déco à l'intérieur pour mes toilettes. Oui. C'est important d'avoir un chouette endroit. Du coup. Tout ça, c'est un projet donc littéraire cross-média. Donc, il y aura des personnages qui seront dans plusieurs livres, dans des comics aussi. Alors, cross-média, mais papier, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est papier. Parce qu'on verra plus tard qu'ils sont pas contre le fait d'étendre à d'autres médias. Mais pour l'instant, c'est tout ce qui est voilà, publication papier. Qu'est-ce que c'est donc la Haute République en soi dans l'univers de Star Wars? Premier truc, c'est que c'est 200 ans avant la prélogie. Donc c'est pas l'Ancienne République, enfin ce qui s'appelait l'Ancienne République. C'est pas du tout l'Ancienne République. Hein. Canoniquement, je crois que l'Ancienne République, donc c'est 1000 ans avant. Ça serait entre les deux en fait, un peu. Ben, entre les deux, c'est vraiment. Moi je trouve que c'est trop près de la prélogie, mais en même temps. Il y a quelques trucs intéressants qu'on verra. Qu'est-ce qui se passe du coup 200 ans avant la prélogie? Donc il y a la Haute République, les super Jedi de la vie, et il y a la Haute République qui s'arrête seulement à la bordure médiane pour l'instant. On a quelques bails de contexte. Oui, on a le Sénat, tout ça, hein, comme. Oui, comme... alors pour tout ce qui est politique pour l'instant, on n'a pas trop vu. En fait, tout ce qu'ils ont dit pour l'instant, c'est plutôt focus sur les Jedi. Parce que ben, le truc s'appelle Projet Luminous, donc on... Voilà, quoi. C'est un peu le truc. En gros, ce sera de montrer les Jedi avant qu'ils soient tout pourris dans la trilogie, qu'ils soient tout caca. Ce qui est très drôle, c'est que voilà, 200 ans avant, il y a déjà Yoda. C'est-à-dire qu'il a déjà 700 ans à ce moment-là. Est-ce qu'il est déjà au conseil? Est-ce que c'est déjà le genre... comme les maires dans les petits villages qui sont élus à vie. Oui, ça fait déjà 500 ans qu'il est là. Non, alors pour l'instant, ils n'en ont pas parlé et j'espère qu'on le verra pas trop. En toute honnêteté, même si ça reste en livre et tout, je préfère, mais bon. Donc la bordure médiane, pour l'instant, la République, c'est pas énorme. Quoi. C'est pas toute la galaxie. Ouais. Pour l'instant, la bordure extérieure, c'est un peu, c'est le Far West, quoi. C'est la conquête. En gros, c'est une période d'expansion. On va faire un petit point géographie, peut-être, parce qu'on n'a pas forcément gens qui connaissent tous la carte. Mais la bordure extérieure, c'est vraiment un peu tous les bleds pourris qu'on voit dans Star Wars. Généralement, Tatooine, Geonosis, Hoth, si je dis pas de bêtises. Enfin, vraiment, quasiment tout. Mais une grosse partie de ça se passe vraiment dans la bordure extérieure. Mmh. Même dans The Mandalorian, c'est le cas aussi, hein, je crois. La bordure médiane, ça va être des mondes qu'on a finalement assez peu vus, je crois. Parce qu'il me semble que Lothal, c'est aussi la bordure extérieure. Ouais, Lothal, c'est en fait, la bordure extérieure. Tout complètement. La bordure médiane, c'est pas justement les mondes qu'on a déjà et qui sont justement affiliés à la République. Je pense qu'on va surtout avoir Corellia dans les mondes qu'on a déjà vus, on va dire. Corellia, mais même peut-être Mon Cala. J'ai un doute. Attends, je vais juste regarder rapidement qu'on passe pas pour des blaireaux. Tu pourras couper ça. Labrou aussi, peut-être. Ne vous en faites pas, nous sommes des blaireaux professionnels. Je connais Star Wars sur le bout des doigts. Tous les mondes. Naboo, Kashyyyk, Malastar qui a juste été cité. Sinon. Beaucoup de monde qu'on a vraiment pas vu en fait. Il y a Botawi aussi, voilà, qui est juste connu, mais pareil, c'est pas quelque chose qu'on a vu réellement dans je crois pas dans un jeu même. L'espace Hutt fait partie de la bordure médiane aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est vraiment un coin effectivement qui est assez peu montré à l'écran finalement. Mais Naboo, je sais plus si ça fait partie de la médiane ou extérieure. C'est au bord de la médiane, je crois. Ouais, c'est bien ce que je pense. Donc ça se trouve, même Naboo, tu vois, tu sais pas. Vu que c'est au bout. Bah, peut-être que Naboo n'était même pas colonisé, peut-être qu'il n'y avait que des Gungans, ça peut être intéressant aussi de voir ça, tiens. Ah ouais. Oh, ouais, mais ça ferait vachement rapide pour l'expansion des humains, mais bon, après, en même temps... Qu'est-ce qui se passe, du coup, dans ce Far West? Eh ben, du coup, t'as les Jedi de la table ronde, comme ils ont dit, les chevaliers Jedi de la table ronde. Qui a dit ça? C'est eux-mêmes qui ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Comme j'ai mis dans mes notes, c'est un peu les Rangers de l'espace. Chacun ses références, écoute. Bah écoute, moi j'ai les deux, mais. Buzz l'éclair avec une moustache de Chuck Norris. Non. Ah, moi j'achète. et du coup, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a au départ. Qu'est-ce qui est en train de se passer, du coup? C'est donc une période d'expansion galactique, comme j'ai dit, et du coup, il y a des stations relais un peu partout qui aident à la navigation, principalement la navigation en hyper-espace, qui n'est pas aussi perfectionné que pendant les films qu'on connaît pour l'instant. Tellement pas perfectionné encore que, justement, il y a une grande catastrophe au début de tout le bazar, de toute l'histoire qu'ils vont raconter, qui est causée par les Nils. Alors, je vais t'embêter encore, mais justement, l'histoire, ça va être quoi? Ça va être une série de bouquins, des bouquins indépendants qui vont être tous interconnectés. C'est une seule grosse histoire. Non, c'est vraiment. Voilà, donc on a peut-être trilogie, un bouquin tout seul, une série de comics, tout ça dans le même créneau temporel dans Star Wars. Quoi. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Alors, en fait, justement, on verra que c'est. Ça a l'air d'être fait par phase comme les. Comme Marvel. après, ça va, parce que pour l'instant, c'est juste des trucs papier, donc ça me gêne moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, si tu achètes un bouquin qui est conçu pour fonctionner comme tout seul, tu ne seras pas perdu. Non, voilà. C'est, en fait, ils sont tous faits pour fonctionner tout seul, mais si tu les lis tous, tu as un meilleur regard sur... C'est une vision globale d'un événement ou d'une période? Alors, pour l'instant, c'est... Ça tourne autour d'un événement central pour l'instant, et si ça se passe bien... Ils vont continuer dans cette fourchette temporelle avec d'autres trucs. Ouais. Ok. Non, je baille. Voilà. Ok, d'accord. Non, mais je situe mieux. Donc pour l'instant, c'est autour d'un gros événement et cette histoire de caca dans l'hyperespace. Là. Voilà. Alors, comme on verra plus tard, je pense que le gros événement, c'est qu'il leur coupe les lignes hyperspatiales parce que on verra dans un synopsis d'un des bouquins. Les méchants, en fait, c'est leur opérateur téléphonique. Vous n'avez pas payé votre facture, on coupe tout. C'est ça. Les mecs, ils n'ont plus d'hyperespace, ils ont bien niqué. Et les méchants, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça va être le gros morceau un petit peu bizarre du truc. C'est les Nils, c'est ça? N-I-H-I-L. Alors, non, eux, ils n'ont même pas mis de S. Moi, je dis ça pour que les gens sachent que c'est au pluriel. Quand je les vois au début, je me demandais si c'était pas une référence au nihilisme. Genre, si c'était pas des nihilistes, en fait, mais juste déguisés au niveau du nom, ou s'il y avait un... Voilà, c'est ça. On est dans la symbolique à la Star Wars. Hein. C'était pas... Oui, ça vole très haut. Hein. C'est-à-dire qu'on va se cogner au plafond. Mais ça peut être rigolo parce que, bon, forcément, on a un podcast audio, les gens verront pas, mais le design qu'ils ont montré, les designs sont assez intéressants. Voilà, en fait, les designs, c'est post-apo. c'est du Mad Max dans Star Wars un petit peu. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est assez cool. Moi, je trouve ça assez cool. Et ce que j'aime bien, c'est qu'apparemment, c'est pas une espèce qui a décidé de foutre le zbeul. C'est ça qui est très intéressant. C'est plein d'espèces ensemble qui forment un groupe. Il y a sûrement des espèces qui font pas partie qui font déjà partie de la République. Je pense pas que ce soit des. Mais ils ont montré les Twi'leks, je crois. Ils ont montré quelques petits trucs comme ça. Mais d'ailleurs, justement, ça peut être intéressant de regarder si. Je perds mes mots. Comment elle s'appelle, la planète des Twi'leks? Ryloth. Ryloth, je sais plus. Je crois que c'est dans la bordure extérieure, justement. Il me semble. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'ils en ont fait que des esclaves sexuels après, ces gros bâtards. il est puni. Tu t'es rebellé contre nous. Ça t'apprendra, ça te fera la kick. Et puis voilà. Plusieurs trucs d'ailleurs qu'ils ont utilisés pour décrire les Nils qui sont assez étranges. Genre, ils ont sorti une citation comme si c'était leur moto. C'est bien la bordure extérieure pour arriver. Et c'est genre vous pouvez pas le prendre avec vous, mais on peut vous le prendre à vous. Et genre, tu sais, ils disent ça, genre c'est une grosse révélation, et genre ça veut rien dire. Genre, vous pouvez pas le prendre avec vous, pourri, quoi. Mais on peut vous le prendre à vous. qu'est-ce que vous racontez? Alors je pense que c'est juste mal formulé et qu'ils veulent dire que genre pour avoir l'hyperespace, vous pouvez pas l'utiliser par vous-même, mais nous on peut vous le retirer de et tout. Enfin, genre si vous l'avez peut-être pas, mais on peut. Enfin, je sais pas en fait. Putain, moi, c'est quoi? C'est trop deep en fait. On peut c'est juste enlever l'hyperespace une fois, mais on peut pas retirer l'hyperespace mille fois. Au Jedi. La quote est bizarre. Et du coup, si vous avez vu ça et que vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à m'expliquer si j'ai bien compris. Parce que j'ai vu plusieurs personnes dont l'anglais est la langue natale et qui se moquaient de cette citation aussi. Donc, je suppose que ça ne veut vraiment rien dire. Mais bon, c'est pas grave. Parce que. Ils ont aussi dit, voilà, c'est un peu les Vikings de l'espace, mais les Vikings punk rock. Donc, ça, pas du tout les vrais Vikings de la vraie vie, où en fait, c'était principalement des marchands. Oui, non, c'est la vision, j'allais dire romantisée, mais enfin, la version... Oui, c'est ça. Américaine. C'est la vision populaire, on va dire, des Vikings, mais en fait, c'est des barbares, mais... ouais. J'ai les concept art sous les yeux, je pense qu'on mettra, on trouvera un moyen de vous les montrer d'une façon ou d'une autre, mais... C'est-à-dire qu'on a fait un thread hein, avec certains... Ah oui, c'est vrai que toi, tu t'occupes du... Ouais, tu fais les trucs, c'est vrai. Moi, je dormais. honnêtement, le jour où ils ont annoncé ça... je crois que j'ai dormi jusqu'à minuit, j'étais encore malade, moi, je débarque, je vois que juste qu'il y a des Jedi et des sabres laser, je fais, ok, super, bonne nuit, je me rendors, mais... non, mais au niveau du design, c'est... Car il y a un petit côté, comment il s'appelle déjà, Cloud Riders, un petit peu. Un petit un Fist Nest pour certains. Un petit côté un peu tribal, techno-tribal, comme ça, comme on peut avoir. Ouais, et ça, et d'autres, ça va être voilà, un peu plus post-apo, vraiment, hein, limite Fallout, limite voilà, Fallout 2, même Mad Max, hein, on est un peu dans ce délire-là. On va dire deux fois la même chose, hein, Fallout 2, Mad Max. C'est... Oui, bon. Bon, esthétiquement, ça manque de V8, hein. Je suis désolé quand même. Ça manque les méchants dans les Tortues Ninja aussi. Ça manque de biel, ça manque de volant, mais voilà. On n'a pas vu leur moyen de transport pour l'instant d'ailleurs. Mais par contre, c'est les Nihil, N-H-I-L ou Nihil, N-I-H-I-L parce c'est que, N-I-H-I-L. Tout à l'heure. Oui, mais moi j'écoutais pas, j'écoute jamais. C'est Nile en anglais. Nile, juste Nile. Et du coup. Mais quelles sont leurs motivations? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ils veulent juste faire chier la Haute République. Oui. Moi, ça me va, c'est des jeux que je préfère. Ah, ben pareil, hein, mais j'y viendrai plus tard. Oui, oui. Ah, ok, on va voir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y aura du coup, dans cette fameuse phase 1 de la Haute République? Du High Republic Universe. Oui. Alors, ce qui est très drôle, c'est que celui pour lequel on a le moins d'informations pour l'instant, c'est celui qui sort le premier. Qui est le livre de Charles Soule, Light of the Jedi, qui sort même pas de, 25... Il n'y a pas de synopsis, je crois, en plus, alors que les autres ont déjà un. C'est ça. Donc, il sort le 25 août, il n'y a pas de synopsis, et tout ce qu'on sait, c'est que le personnage principal, donc c'est une Jedi qui s'appelle Avar Kriss, et que, alors je crois que c'est elle, mais je ne suis pas sûr qu'un des personnages, en tout cas, entend la force comme si c'était une musique. Donc, je suppose qu'il y aura du bon gros death metal s'il y a les... s'il s'approche des Nils. ce sera rigolo à entendre. Un mec suspendu à un vaisseau avec une guitare électrique. Ouais, mais en fait, c'est littéralement, tu sais, elle est dans l'espace, sur son vaisseau tranquille, et puis là, t'as le mec dans Fury Road avec sa guitare, là, devant le vaisseau, en train de jouer. Oh, j'entends quelque chose dans la Force. Une perturbation. Et donc voilà, ça c'est le truc qui va lancer un peu tout ça. Et d'ailleurs, c'est très important. Faut pas lui faire de la blague du tir sur mon doigt, elle. Hein, c'est... Quoi ? Ça suffit. Et donc, on a aussi eu la couverture. Donc, on peut pas vous dire exactement ce que c'est, mais on peut vous la décrire vite fait. Donc, devant, il y a Avar Chris, donc la personnage principale, qui cette fois-ci n'est pas une jeune femme blanche brune, mais une jeune femme blanche blonde. Et ça, oui, ça, c'est ça, la ça, diversité. Ça, et oui, c'est la diversité selon Disney. Et elle a une tiare. On est une mauvaise foi parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est de mieux en mieux. Et... Mais bon, là, ils nous aident pas en même temps. En plus, oui, clairement. Alors, oui, mais alors, il y a cette femme, jeune femme blonde en premier plan, mais il y a quand même derrière un jeune homme, un petit peu mad de peau, hein, mais oui, un peu au second plan, légèrement bronzé, on va dire, légèrement allé, je sais pas jusqu'où ils veulent aller. Mais juste en maths, c'était bien. Un Wookie. Aussi un Twi'lek. Tiens, bah justement, ça répond à notre question de tout à l'heure. En fait, on est trop cons. Il y a un Twi'lek Jedi dans le fond qui a un sabre laser jaune comme Rey. Ah putain, j'en ai marre de ces sabres laser de toutes les couleurs. Hein. Mais moi aussi là, il va vraiment y en avoir de toutes les couleurs. Hein. Oh. Il y aura encore du violet et tout. Vert et bleu, c'est tout, putain. Écoute, ça suffit. Le reste, c'est de la branlette. Mais bon, on y verra. Oui. Effectivement, il y a un Twi'lek. Alors, le Twi'lek, il est très en arrière. Hein, donc, on se doute que lui, il n'aura pas un grand rôle. Mais, mais surtout, il y a un Wookiee Jedi. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse, moi. Mais je sais que beaucoup de gens adorent le fait qu'il y ait un Wookiee Jedi. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est qu'il a un sabre laser un peu particulier. Oui. Oui, vas-y, parle-en. Vas-y. Parce que c'est 2h30 de son, ne dira rien. Une poignée donc en croix, mais pas comme notre cher Kylo Ren. Parce que lui, c'est pas des lasers qui sortent sur les côtés, c'est vraiment juste la garde qui a debout. Et puis, écoutez, moi, ça me suffit. c'est pour le côté chevalier, écoute. Hein, Ouais, moi, je trouve que ça va bien, en fait. C'est complètement inutile pour le coup. Les gens, ils foutaient de la gueule d'avoir deux lasers sur les côtés, mais alors là, Mais là, c'est esthétique, écoute. On a affaire à un Jedi qui a un petit peu un sens de, voilà. De l'accessoire. Jack, il a mis sa petite bure pas de la même façon que les autres, histoire d'avoir les bras bien dégagés. On a affaire à un Jedi Wookiee, un petit peu, déjà un Wookiee habillé, déjà. Je pense que le mec, il aime le style. Peut-être que voilà, il s'est dit, pourquoi pas, écoute, je vais avoir des petites cartes en métal sur mon sabre, ça sert à rien, mais je trouve ça joli. Peut-être que c'est genre un réceptacle. Genre dedans, il y a justement ce qu'il faut pour faire tenir le sabre comme c'était dans le passé, peut-être que. Les sabres laser n'ont pas la même composition. Je pense pas parce que les autres ils ont des sabres classiques. Alors, ou alors lui il a l'ancienne version, il a pas la. Ouais, c'est pas parce que du coup ils sont racistes. J'ai une réponse. Ah, il a une réponse. Ah. J'ai une semi-réponse. Parce que, a priori, pendant l'événement où ils ont annoncé tout ça, il y avait des gens dont la chaîne YouTube Star Wars Explained qui a dit que, a priori, ce sabre laser là il est un peu spécial et c'est un peu genre le. Excalibur des Jedi. Alors, on verra ce que ça veut dire. Est-ce que alors, bien compris ce qu'il disait? Bah alors, moi, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que c'est un peu de la kick, parce qu'on a pas mal d'autres visuels qui ne sont pas la couverture en question, où on a d'autres Jedi avec des sabres laser avec le même style. Est-ce que ces sabres laser qui ont le même style sont aussi bleus? Et c'est tout à fait le cas. Alors il y a donc ça se trouve c'est le même. Bah je sais pas, il y a un autre artwork avec un mec qui a l'air blanc hétéro valide avec effectivement ce sabre, le même sabre d'ailleurs, tiens. Et il y en a un autre jaune, mais il y en a un bleu effectivement. Ah, il y en a quand même un autre jaune. Oui. Moi que ce soit le même tout. Ah ouais, t'as raison. Ah mais il y a un vieux gars avec une barbe qui en a un vert comme ça aussi. Bon, bah, je retire tout ce que j'ai dit et n'écoutez jamais ce que disent les youtubeurs sur Internet. Voilà. Sinon, tu coupes et puis comme ça, on passe pas pour des grosses truffes. Hein. Ça marche aussi. D'ailleurs, sur l'autre image, il y a une femme racisée avec un double sabre à lame verte. Oui, oui. Bah, en fait, ce qui est intéressant avec ça. C'est la fiesta complète au niveau des sabres. Hein, mais... Au niveau des auteurs et autrices qui s'en occupent, on a quand même de la diversité. On pourrait faire mieux, mais on a de la diversité. Et ça fait partie de leurs objectifs quand ils avaient le mood board qu'ils ont partagé dans un mini making-of. Et ça faisait partie des trucs qu'ils voulaient mettre en avant. Ça et le fait de ne pas être pro-guerre, ce qui a évidemment énervé pas mal de gens. Mais bon, désolé. Sur le mood board, ça va être intéressant. On peut en parler de ça juste quelques secondes. Est-ce que vous voulez parler du mood board tout de suite? Parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas encore totalement lancé non, dans les... Mais juste Star Wars Antiguerre, parce que c'est quelque chose que je trouve incroyable. Quand tu sais que les mecs qui disent « Ouais, c'est honteux qu'ils aient voulu faire une œuvre Antiguerre pour Project Luminous, dans Star Wars, il y a Wars, et du coup, Wars, ça veut dire guerre, et du coup, la guerre, c'est bien. » Bah oui, parce que ça s'appelle Star Wars, alors il y a la guerre dans le nom, faut qu'il y ait de la guerre, mais bah, les mecs, vous êtes au courant que tout Star Wars, c'est déjà anti-guerre à la base. Hein. Bah ouais, et surtout, genre, on a beau critiquer, en fait, mais moi le premier, Papy George. Sauf que Papy George, dans les années 2000, quand George Bush il est parti à la guerre en Irak, George Lucas, je crois que c'était sur le plateau des Oscars, il a du genre dû dire « Vous voyez, rien n'a changé, maintenant je fais un nouveau film Star Wars et la guerre est toujours là dans notre société, et c'est de la merde et tout ça. » Et en fait, genre, c'est des gens qui vont dire « George Lucas, lui c'était un vrai réalisateur, lui c'était un vrai auteur. » Et en fait, George Lucas, depuis le début, son but, c'est de montrer qu'en fait, la guerre, c'est de la merde. Ben, c'est ça, c'est le message. Contre toute attente. Et d'ailleurs, et on va éviter d'y revenir trop souvent, j'ai même pas envie de faire ça, mais je vais le faire quand même. Ce qu'on reproche justement à une partie de l'épisode 9, et notamment concernant Finn, c'est qu'on a l'impression d'avoir un mec qui kiffe ce qu'il est en train de faire, qu'il est là, genre ouais, fuck yeah, je suis en train de buter des mecs. Ça se trouve, je le connaissais et j'ai partagé des moments. Et c'est ça qui résonne mal, qui a pas de résonance dans Star Wars, parce que si les rebelles font tout ce qu'ils font dans la trilogie classique, c'est parce qu'ils y sont contraints, ils n'ont pas le choix s'ils veulent préserver alors, la liberté, des grands idéaux, mais aussi simplement rester en vie, parce que sinon ils vont se faire laminer la gueule. Mais ils y sont contraints par la force des choses. C'est une quête de liberté, c'est un combat. C'est pas leur but. Ils sont pas guerriers, ils sont pas dans l'esprit, ils ne sont pas guerriers, ils sont guerriers par la force des choses. Alors que là, on a Finn qui est, si on peut dire, enfin, pas né guerrier, mais qui a vraiment été endoctriné pour l'être. Et même une fois qu'il passe du côté de la résistance, entre guillemets, du côté du bien, même encore là, il a l'air de prendre son pied encore à causer mort et destruction. Et c'est ça qui sonne mal. Alors voilà, j'arrête avec le 9, j'ai pas envie d'en reparler maintenant. Même vous non plus, je pense pas, mais voilà. Effectivement, on dit rien. Oui, heureusement. mais clairement, mais voilà, faire une œuvre anti-guerre, bah, c'est simplement la base, en fait. Hein. Même Rebels, je veux dire, on a des mecs qui font leur bail un peu tranquille et ils veulent pas la guerre. Elle leur tombe sur la gueule. Résistance, c'est pareil. La guerre, elle ne marche pas. Elle leur tombe sur la tronche et ils doivent faire avec. Et d'ailleurs, même la fin de Résistance, alors on va pas en parler non plus maintenant, on fera un épisode exprès, mais c'est pareil. Ils veulent juste être peinards. Mais même The Clone Wars, ça te montre en fait que la guerre, ça détruit tout. Et Kaz, lui, se rend compte que s'il veut être peinard, bah, il faudra qu'il se batte. C'est comme ça, quoi. Donc, c'est la force des choses qui les contraignent à se battre, à faire la guerre des étoiles. mais pas autre chose. Et c'est profondément anti-guerre. Toutes les œuvres, en tout cas, de Star Wars, normalement, devraient être anti-guerre. Mais tu sais, en plus, c'est exactement le genre de mecs qui comprennent pas « Pourquoi vous faites des trucs comme ça ?» Mais en fait, la guerre, c'est mal, c'est normal de vouloir faire passer des messages anti-guerre, tu sais, c'est genre... ils sont comme ça pour tout, genre « Pourquoi vous mettez des femmes ?» Bah, parce qu'en fait, la misogynie, c'est mal. si vous nous écoutez, on sait que ça peut être un choc pour vous, mais la guerre, c'est pas bien. Assiez-vous, faites-vous une camomille, je sais pas, prenez le temps d'assimiler. Mais... ok, on respire. on respire, voilà. La guerre, c'est pas très très bien. Franchement, ces mecs-là, on a vu mieux. Je les ai vus réagir sur Twitter et les seuls trucs qui les faisaient chier dans le moodboard, c'était diversité, avec message d'anti-guerre. Actual end. Tu sais, genre, mais en fait, c'est vous les connards, du coup, parce que la guerre, c'est pas bien, et la diversité, c'est genre normal. Quand tu sors dehors, tu vois pas que des mecs blancs, et heureusement, bonjour le malaise, sinon, enfin, je sais pas, moi, je... Non, mais oui. Bah oui, non, mais c'est ça. Au début, à Thionville, je vous assure que c'est malaisant. Tous les blancs partout. Oh la vache. Pardon, désolé. Comme j'ai déjà dit, Matt est blanc et on l'apprécie tous. Oui. Bon, est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce qu'on peut revenir ? Je ne sais même plus ce qu'on disait. Que la guerre, c'est pas bien. On parlait du mood board, du message anti-guerre, du mood board. Avant ça, qu'est-ce qu'on disait ? On parlait En fait, je parlais du roman. Ils ont fait caca dans l'hyperespace, Lenny Hill, et du coup, ça ne marche plus. Oh punaise. Et sur la couverture donc de Light of the Jedi de Charles Soule, il y a aussi une station spatiale qui est Starlight Beacon. Donc il faut qu'on en parle là. De ces stations. Porn, il va nous... Mais ta gueule. Laisse-moi au moins finir une phrase. Non, j'ai rien à foutre. Vas-y toi. Refais ta phrase, on coupera tout ça. Une des stations qui servent donc de point relais en fait pour les voyages hyperspatiaux. Et ça tombe bien que je parle de ça parce que ça a un lien avec le second roman qui sortira, qui est celui de Claudia Gray qui s'appelle Into the Dark et qui sort le 13 octobre 2020. Hein, le 13 octobre, c'est pas loin du 16. N'oubliez pas ceci. Et quoi le 16 octobre ? C'est mon anniversaire le 16. Ah. Je me disais encore, c'est un peu tôt pour Halloween. Oui. Ce qui est très rigolo, c'est que ça s'appelle Into the Dark. Et pour celui-là, on a un synopsis qui a été traduit, que j'ai trouvé traduit directement sur Star Wars Universe. Donc merci. Merci à eux. À ceux qui l'ont traduit, parce que comme ça, j'ai pas eu à le faire moi-même. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, le Padawan Reat Silas quitte la capitale galactique cosmopolite. Oh mon Dieu ! Oh non, une ordure cosmopolite. Les islamo-gauchistes. la capitale galactique cosmopolite de Coruscant est envoyée vers les frontières non développées. Et rien n'aurait... Oh, ça y est, c'est fini. Je suis en train d'imaginer le synopsis avec la voix d'Éric Zemmour, j'en peux plus. Les régions non développées. Les régions, les frontières, un peu cracra. Hein. Et c'est ceux qui sont pas comme nous. Hein. Oh putain. La snow là-bas. Donc. Bref. Et rien n'aurait pu le rendre plus malheureux. Il préférerait rester au temple Jedi à se toucher la nouille. à étudier les archives. Mais lorsque le vaisseau à bord duquel il voyage se retrouve éjecté de l'hyperespace lors d'un désastre galactique, Reath, parce que ça s'écrit R-E-A-T-H, donc Reath. En tout cas, les gens du canon, c'est toujours la même merde, les noms et prénoms dans Star Wars. Hein, ça, c'est clair. Il se retrouve au cœur de l'action. Le Jedi et ses compagnons de voyage trouvent refuge sur ce qui semble être une station spatiale abandonnée. Donc peut-être que c'est Starlight. En fait, c'est Alien, version Jedi. mais d'étranges choses ont alors lieu, amenant le Jedi à enquêter sur la vérité qui se cache à bord de cette station mystérieuse. Une vérité qui pourrait mettre fin à la tragédie. Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu t'es pas relu avant. La tragédie de Darth Plagueis. Oh non. Again. Pour l'instant, ça manque de sable, je trouve, toute cette histoire. Comment ? Ça manque de sable pour l'instant, toute cette histoire. Ouais, ça se passe principalement dans l'espace, c'est un peu chaud. C'est un livre, ça ? Oui, c'est un livre écrit par Claudia Gray, donc. Normalement, ça sera bien. Vous devez l'acheter. Voilà. Le lisez pas, hein, bien des cas. Jeune adulte, si vous êtes légère, c'est pas grave. si vous n'aimez pas lire, achetez-le, voilà, et puis ça fera de la belle déco. Non, mais on rigole, mais les young adultes, honnêtement, les autres, je sais pas, mais ceux de Claudia Gray, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pas parce que c'est écrit pour les ados que c'est pas bien. C'est la meilleure autrice. Son autre roman young adult, c'est Lost Star, c'est Étoile perdue, et il est fantastique, quel que soit l'âge. Je suis désolé, mais c'est la plus belle histoire d'amour qu'on a eu dans Star Wars, je crois, et je pas peur de le dire. C'est celle qui finit le mieux. Celle qui finit le mieux, et pourtant, c'est pas ouf. Excellent. Et pourtant, c'est celle qui termine le mieux. Et vu la gueule de la postlogie, franchement, c'est la plus belle histoire d'amour qu'on a dans Star Wars. Oh, pardon. C'est celle qui se termine le mieux après Flix et Orca. Après Flix et Orca. J'ai pas encore fini tout à fait Résistance. Alors, on n'a toujours pas regardé. Moi non plus. Bah alors, ça pour dire que le Diagré en adulte ou pas, Lien du sang ou Étoile perdue, c'est de la super cam et je pense que celui-là on pourra se jeter dessus quoi qu'il arrive. Ouais, pareil, hein, Charles Soule, lui il a surtout fait des comics, mais je pense que ce sera de la très bonne. Très bon Star Wars. Lui j'en ai un peu marre, tu sais, il me saoule. Pardon. Tu sais, quand t'avais enfermé Guinness dans la salle de bain, oui. Tu peux le rejoindre aussi. Hein. D'accord, j'y vais. Donc voilà, il y a celui-là qui est un... Ta gueule, on t'entend miauler, Matt. Donc voilà, Into the Dark, Claudia Gray, le 13 octobre 2020. Donc voilà, ça arrive cette année. Hein. Ok. Attends, mais ils l'ont pas mis dans l'ordre. Putain, je crois qu'ils l'avaient mis dans l'ordre. Un troisième roman, un roman jeunesse qui sortira donc le 8 septembre, lui, donc un peu avant, le 8 septembre 2020, qui s'appelle A Test of Courage par donc Justina Ireland. Donc, je vais t'emmerder en roman. D'accord, mais là, pour le coup, c'est pas young adult, c'est vraiment jeunesse. C'est, oui, celui-là, c'est jeunesse, c'est ce que j'ai dit. C'est bibliothèque verte, quoi, en gros. Oui. Moi, okay. ça va. non, mais je dis pas, hein, tu peux voir les lectures de toilette que tu veux, mais c'est juste pour dire, voilà, ça se situe dans ces eaux-là plus que. C'est pas un gros roman, quoi. Ouais. Par contre, elle a dit que c'était le jeunesse, le moins jeunesse qu'elle avait écrit jusque-là pour l'instant. Ah. Donc, on verra. Mais ça reste quand même du truc pour les enfants, je pense. Qui a, lui aussi, un synopsis, donc A Test of Courage. Donc, lorsqu'un transporteur est brusquement éjecté de l'hyperespace, donc vous voyez, on a un pattern, hein, donc ils sont tous arrêtés en plein hyperespace au milieu de nulle part. En fait, ils faisaient tous leur bail et puis d'un seul coup, t'as un mec qui appuie sur un interrupteur, ça a foutu la merde. Ouais, c'est ça. La nouvelle adolescente Jedi Vernestra Rowe, R-W-O-H, un jeune padawan qui n'a pas de nom et une technicienne audacieuse et le fils d'un ambassadeur sont piégés sur une lune jungle où ils doivent faire équipe pour survivre non seulement au terrain dangereux mais aussi aux dangers dissimulés dans les ténèbres. Moi je sens que le fils d'ambassadeur il va les trahir, il a l'air la République en marche et tout, à mon avis il va faire de la merde. Il est arrivé. 49-3, bim, vous cassez. Ouais, en plus, il est blanc. C'est vrai, c'est même pas un alien. Non. Vernestra est une alien. Elle a cool. La peau verte. J'aime bien les tenues des Jedi qu'ils leur ont donné dans les concept art. Vous pourrez aller regarder. Ça reste dans l'esprit Jedi, mais un petit peu. Un poil différent. Un poil rétro, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant sur cette couverture, c'est surtout qu'il y a un des droïdes qui ressemble au droïde de Maz Kanata. Oui, pour rappel, oui, j'ai repéré ça direct, c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux. Voilà, Henri me tente vraiment ce livre. Comment ? C'est celui qui me tente le plus, ce livre. Ben, c'est, celui-là, pour le coup, ça a l'air d'être un bon petit truc à côté. L'héroïne... Connecté aux autres, celui-là, à part le truc de début d'être sorti de l'hyperespace, mais on verra bien. Pour le petit point lore, l'héroïne, c'est pas une Mary Allen ? Écoute, ta gueule. Je sais pas, non, mais elle a pas de tatouage, mais sinon, elle me fait penser, oui, comment il s'appelle déjà, excuse-moi, deux autres Jedi qu'on connaît assez bien maintenant, quand même, une qu'on voyait dans Clone Wars. Quoi, Baris Baris Sophie, Baris ouais. Sophie, et l'autre, je ne sais plus, c'était comment Luminara. Ah oui, Luminara Undeli. Voilà, effectivement, ouais. ça d'ailleurs, je crois. Rise of Skywalker, parce qu'elle a le droit de revenir. Oui. Mais Barry, ça n'a pas le droit, alors que c'est la meilleure. Mais bon. Non mais Barry, est-ce que c'est vraiment une Jedi? Je sais pas, mais elle était fantastique de Clone Wars. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait. C'était trop bien. Mais voilà, non, c'est peut-être la même espèce. Ça peut être cool. Je pense que c'est une Mariana, sur mon avis. Elle a pas de tatouage. C'est juste ça qui me surprend, parce que c'est un peu leur truc, leur délire culturel là. Mais sinon, à voir. Le Minara Undouli, on a un juste au niveau de la bouche, c'est tout. C'est vrai. Ok. En tout cas, on s'en fout. On a les deux derniers qui apparaîtront tous les deux en août, donc par Kevin Scott. Il y aura une nouvelle série régulière de comics, The High Republic. Alors, je ne sais pas si la couverture qu'ils ont partagée est une couverture finale, mais vous pouvez aller regarder. C'est avec les Denis là-dessus. Ouais, donc a priori, ils sont tous à moitié à poil et à moitié en métal. On dirait juste un concept art plaqué avec un template de couverture autour. Hein, ouais, on dirait un mélange des Night of Ren et de les mecs là, dans la saison de comment ça s'appelait? Les du futur qui se passe. C'est ceux qui me font le plus penser à Enfys Nest et puis au Cloud Riders, parce qu'on est vraiment dans ce délire un petit peu techno-tribal au niveau des casques. Et c'est tout ce qu'ils ont sur la tronche, donc des casques, hein, parce que franchement, le reste, il n'y a pas grand chose. Ouais. Mais il faut vraiment ce côté un peu techno-punk, tribal, je sais pas. Enfin, c'est en tout cas, c'est cool. C'est très cool. Toujours pas de personnes grosses, par contre. Non, mais ils connaissent pas ça, Disney. Mais tu ne savais pas que. Non, j'allais dire une connerie sur les Twi'leks, mais c'est pas vrai. Hey, Jabba est né à cette époque-là. Peut-être qu'on l'aura, notre personne grosse. Jabba, super. Alors moi, j'ai vu un autre concept. Génial, super. J'ai vu un autre concept des Nihil qui en montrait un peu plus enveloppé. Alors, c'est pas la folie non plus, hein, mais et c'est peut-être un trait de l'espèce, mais en tout cas. Ah oui, en plus, en plus sur ce concept art, c'est genre un. Mais c'est le même l'éléphant bleu. Qui fait de la musique chez Jabba, ouais, en tout cas, cette race. Ah, c'est ça? En tout cas, ça ressemble. Du coup, moi, c'est normal qu'il soit gros, c'est un éléphant. Il a l'air d'avoir Moi, je pensais que c'était plutôt le. Comment on appelle ça l'espion, en fait, qui balance Anne-Luc. À cause du truc, son espèce de masque. Mais on dirait. Comment on appelle ça? On les a vus dans Mandalorian aussi. Putain, on est vraiment. Les Garindan. Non, les Garindan. Ils ont une espèce de masque métallique comme ça, un peu de médecin de peste. Et il y en a un qui balance le faucon dans l'épisode 4. Et l'autre joue de la flûte dans le Mandalorian vraiment au tout début. En vrai, j'aimerais bien voir ce qu'il ferait. Si c'est pas un gros Garindan aussi, c'est peut-être de l'espèce de Max Rebo, ça pourrait être rigolo aussi. Mais en tout cas, franchement, chez eux, il y a de la diversité. Parce que j'ai pas vu un humain, je crois. Ouais, c'est ça. C'est normal, c'est les méchants. Les méchants, ils sont divers et les gentils sont tous parfaits, humains. Les gentils sont tous de droite. Humanoïdes, fins, grands, beaux. Il me semble que le seul truc qu'on sait vraiment sur ce comic, c'est que justement, il va principalement être basé sur le Starlight Beacon. Donc voilà. En vrai, j'aimerais bien qu'ils mettent des personnes en fauteuil roulant, ce genre de truc, pour voir comment ils inventeraient comment ça fonctionnerait dans Star Wars, avec la technologie qu'ils ont. Au moins comment ça fonctionne. Si je dis pas de conneries, le seul, c'est Lars. Ouais, c'est vrai. Il y a Yoda un peu aussi qui est dans. Ouais. Son petit fauteuil volant, ça c'est trop cool. Ouais. Et il y en a un aussi dans Resistance, la saison 2, où par contre, lui, pour le coup, c'est vraiment mal foutu parce que c'est un méchant. Et qu'il est gros et qu'il est méchant et qu'il est en fauteuil et que voilà, donc bon. C'est pas juste un hut. C'est pas un hut. Non, c'est pas un. Il me semble pas. J'adore. Il est gros, c'est pas un hut. Genre, y a pas de. Non, mais j'ai souvenir d'un hut sur une plateforme volante. C'est un hut, mais du coup, il est en fauteuil, tu vois. C'est ça, dans Star Wars, soit tu as les moyens, on va dire, techniques ou financiers et t'as une prothèse. Ouais. Soit tu es un petit t'as un petit truc qui vole quoi, enfin c'est ce que je me disais, ce serait pas dur par rapport aux prothèses. Enfin, je sais pas, moi je voyais bien un gros riche qui se balade sur son trône volant. tu vois, ça pourrait le faire. Ouais, après théoriquement genre Luke, Anakin, enfin, ils se sont fait couper des mains, tu vois, mais ils ramassent leurs mains aussitôt nickel, quoi. C'est donc, plus symbolique qu'autre chose, quoi. C'est ça. Ouais, t'as pas mal d'amputés, je veux dire, même Tobite, t'as des gens qui ont pas de tête, alors. Les Jedi, ils ont rien. C'est une signification mythique, vous savez. Ça existait à une époque dans Star Wars, les significations mythiques. mais voilà, c'était rien de très bien. Coucou. Guinness, tu fais chier. Tu veux dire quelque chose? Alors, franchement, je suis d'accord avec. Franchement, ton chat, c'est pas une perruche, ton chat, parce que. quand on entend ces petits miaulements, ça nous fait penser à des tout petits enfants dans leur berceau. Mais justement, le dernier. c'est la pire transition de toute ma vie. C'est parce qu'il est très gros et du coup, ses petits poumons, ils sont tout compressés. Hein? Oh, petit bébé. C'est horrible. En vrai, on a notre présentation. Et donc dans le dernier comic, c'est donc. C'est une série aussi celui-ci. Adventures, donc une série comics, et c'est une série Adventures, donc par Daniel Jose Odler. J'ai des questions. Qui est donc une série jeunesse. Tiens, je t'envoie ça. Bah ouais, c'est comme les Star Wars Adventures, je pense. Oui, non, mais j'allais demander si justement, je connais rien en comics, clairement. Hein. Je le dis, redis, il redit, je le dis, il redit, et puis vivement que Line vienne nous rejoindre pour faire un épisode dessus. Mais ouais. Donc, on a une série comics sur adulte, on va dire, et une série comics jeunesse sur la République, c'est ça? C'est ça. C'est en gros, enfin, une normale et une jeunesse. Mais c'est des séries dont on a une idée du nombre d'issues, enfin, d'épisodes. Alors, ça peut durer aussi longtemps que ça marchera. C'est ce qu'on appelle donc des séries régulières, donc jusqu'à ce que ça se termine. Alors, jusqu'à ce que ça se termine ou tant que ça marche, on en fait encore. Voilà, c'est ça. C'est pas une mini série. C'est fini comme des fois on te dit bah il y aura 8 épisodes, enfin 8 numéros, 10 numéros, voilà. Pas comme pour comment ça s'appelait TIE Fighter je crois pour le combo cross-média avec The Alphabet Squadron. Exactement. Donc c'est pas ça. ce sera pas comme ça. Là, il n'y a pas de nombre de numéros, donc on sait que ça commence en août. C'est des séries régulières. Tu sais quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Je pense que on en aura en gros une douzaine de numéros, et puis ils auront le temps de voir en gros comment c'est reçu. Et je pense que là on a fait un peu tout le tour du truc, on a plein d'autres trucs à dire encore, mais ça fait du bien de passer à autre chose. Je vais pas vous mentir. Et j'avais tellement pas envie d'être Jedi, mais on va voir. Je suis prêt à laisser aux Jedi une chance parce que j'en avais marre des Jedi, mais j'ai beaucoup aimé Fallen Order et je pense que en fait le problème c'est que pour l'instant on a vu que des Jedi tout pourraves. C'est-à-dire alors... que le meilleur représentant des Jedi c'est Ben Solo, c'est que tu te dis c'est un peu la merde. Luke aussi attends. Un peu. Canon. Et des pas bien là-bas, c'est tout. Moi, je parlais des films. Kim Cannon ici, je suis désolé. Mais Cannon aussi. Des pas bien là-bas, elle apparaît dans Star Wars 2, je suis désolé. Hein. Oui, bon. Ouais. Des pas bien là-bas. Le maître de Kanan. Mais en vrai, je viendrai après. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai un peu le même sentiment. C'est pas les mêmes. Je voulais dire, moi, par rapport à la pochette que tu as partagée là, avec les deux persos, c'est sympa parce que... Alors, je sais pas si les livres le feront, mais... Il n'y en a pas un qui est blanc, déjà. Ouais, et on dirait qu'ils essaient plusieurs styles. Genre, t'avais l'espèce de punk post-apo de l'espace, là, dans des zones désertiques, là, avec les mecs avec leurs masques pas possibles. Ouais. Et là, ça ressemble plus à de l'héroïque fantasy ou de la médiévale... Oui, alors moi ça me fait penser, et je dis ça mais j'ai absolument rien vu de la série, mais ça me fait penser un peu à Legend of Korra ou Avatar, ce genre de délire. les deux tenues là du ouais. Black à des oreilles d'elfe. Hein. C'est ça, ouais. Il y a un petit côté fantasy un peu cool, on va dire. Finalement, ça me dérange ouais, pas. Ouais, c'est le trait mais... de dessin qui fait penser à ça. Moi, ce que j'aime bien aussi dans l'idée, c'est que j'ai l'impression que les Jedi, en tout cas certains, conservent des attributs culturels. Le poncho là, que ouais. Ouais, voilà, le poncho qu'il porte ou la tenue que porte la Jedi à côté, on peut s'imaginer facilement que c'est des styles qui viennent de leur planète ou de leur culture et c'est plutôt cool. Alors, c'est un truc qui est rigolo justement par rapport à celui qui a un poncho, donc vous pouvez pas voir, mais c'est sur la couverture de Star Wars High Republic Adventures. Deux secondes. Ferme ma gueule. C'est notre ami Lain qui a dit que c'est un Zygerien. Oui. Donc il s'appelle Farzala. Ah, oui. C'est un Zygerien qui est une race d'un empire esclavagiste à cette époque-là. Si vous avez dans vu la bordure extérieure. Si vous avez vu Clone Wars, effectivement, ouais, c'est un empire esclavagiste de la bordure extérieure. C'est des super épisodes d'ailleurs, j'ai trouvé l'arc autour de l'Empire Zygerien. Et bah, du coup, je ne sais pas si c'est culturel, je ne me souviens pas trop. C'est pour ça qu'il est plus blanc que blanc en fait. Ah, mais il est carrément de droite. Hein. Lui, je crois que c'est un Jedi. Il a un sabre laser, donc ouais, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'est Farzala et Lula. Et ils ont, c'est, Farzala c'est Farzala. Parce que de toute façon, on l'a écrit, on dirait que c'est Farzaza. Non, c'est un peu de la merde. C'est Farzala. Ah oui, on pourrait lire Farzaza, mais moi je lis Farzala, mais dans tous les cas, ça me fait penser à un plat que tu pourrais bouffer à la pizza dell'arte ou un truc du genre. Bon, je vous prends une Farzala et une Lula, s'il vous plaît. Avec du pimenté quand même. Parce que... Et je trouve esthétiquement, c'est les deux persos qui me plaisent le plus pour l'instant de tous ceux qu'ils ont montré, donc je suis content. Mais en plus, ils sont magnifiques dans les Adventures, donc je vais pouvoir les acheter pour mon fils et les lire à sa place. Moi, j'ai hâte de voir comment ils sont entraînés, les Jedi. Est-ce qu'ils sont déjà chopés à leur famille quand c'est des petits et mis dans un temple ou... Je pense qu'ils sont déjà chopés quand ils sont jeunes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de Padawan, mais pas tant que ça de mettre dans ce qu'ils ont montré. Par exemple, l'un des romans, c'est t'as littéralement deux Padawan et pas de maître avec eux. C'est la réduction des budgets de l'éducation nationale, c'est tout. T'as pas besoin de ton Batsim pour tes Padawan. Je fais un 49-3 sur les Padawan. Je prends un token pour réagir après Grushkov. Vas-y, mais moi j'ai fini pour l'instant. Je me disais juste, est-ce que c'est pas genre, quasiment que des Padawan, ou en tout cas même dans les romans jeunesse, j'ai l'impression que c'est que des Padawan, justement pour que le lecteur s'identifie plus facilement et qu'on ait un parcours du héros, ou en fait simplement qui évolue sans avoir une figure, j'allais dire castratrice, mais c'est pas ça le mot, mais vraiment un maître qui vient, une figure patriarcale ou même matriarcale, mais qui vient. Freiner ou à ralentir, enfin, voilà, vraiment restreindre le héros du roman ou du comics par sa présence. Donc, c'est peut-être simplement une facilité aussi d'identification. Oui. Je voulais juste rajouter un petit truc parce que je n'ai pas parlé, mais Farzala, c'est mon main et j'interdis à quiconque de le prendre. C'est vraiment mon bébé. Et je trouve que ce poncho, en fait, c'est simple. Pour moi, si un Jedi n'a pas de poncho comme lui, alors je le déteste. Calme ta bite. C'est le genre de poncho que je veux voir sur chaque Jedi. Et pas les ponchos dégueulasses que Cal Kestis il a dans Voilà, c'est ça. Dans Jedi Fallen Order. Farzala, il est stylé. C'est un poncho. Adrien est en mode je le pèse. Non, mais vraiment, mais il est stylé. Il est vraiment stylé. Ceux de Cal, on en reparlera, mais c'est vrai que ça. C'est moi, il jouait avant. Le mec, il a mis son caouet de chantier, Cal. C'est ça, il a gardé. Mais... Alors, moi, j'aime beaucoup les passages. Enfin, le peu qu'on voit des chantiers dans Fallen Order, ça a de la gueule. Je suis désolé, mais on prend. Ah oui, mais c'est trop bien. Il jouait un petit peu avant. Mais c'est vraiment ça. Mais justement, un truc que j'aimerais beaucoup, justement, j'ai. Tu vois, là, on en est au moment où je me dis, ça y est, je veux qu'un truc réussisse dans Star Wars parce qu'ils en feront possiblement un Fallen Order, mais un Star Wars Jedi High Republic. Et ça, c'est ce que je veux. Avec force, d'avoir là. D'avoir une suite à Fallen Order, mais avec, voilà, tu prends Farzala et la bite à Adrien. C'est bon. Ah putain, il joue avec mon sabre quand il veut. Oh merde. Putain, et j'ai des profs qui écoutent mon émission. Alors entre le jingle, je peux plus leur recommander à n'importe qui maintenant. C'est fini. Alors, d'ailleurs, là, on va parler un peu de certains trucs qui sont intéressants. Par exemple, des trucs qui étaient dans des comics et qui faisaient des références à l'académie de Luke dans le comics Rise of Kylo Ren. Donc celui de Charles Soule. Oui, il y a un moment un holocron avec une Jedi et cette Jedi, c'est Avar Kriss, qui est donc la personnage principal du roman de Charles Soule, Light of the Jedi. Celle qui a entendu Jules à la place de la Force, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est elle. Wesh alors! Tout au loin, je sens qu'elle fait qu'Anakin fait de la moto. Non, c'est ça. On met ça dans la Force. Le capitaine, il ouvre le locron et. T'as de ta plaquette! Oh. Et il entend. Il faut claquette. Non, c'est une carré vie pour claquette. Pardon. J'ai tout perdu. Je vous ai tout cassé. Hein. Ouais. Il est mort. On en était sur Farzala. Hein. Comment ? On en était sur Farzala. On a fini avec Farzala. Je suis désolé de l'apprendre, mais on va passer à autre chose. Je sais pas. Y avait aussi une mention de Starlight Beacon dans la série régulière Star Wars. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi écrit par Charles Soule. celui-là. C'est toujours les séries comics, mais Kevin Scott aussi dans Dooku Jedi Lost, il y a une Jedi qui est mentionnée, qui fait partie des 20 égarés. Est-ce que vous savez ce que c'est, les 20 égarés? Oui, mais j'en connais qu'un. Donc oui, le seul qu'on connaît, il s'appelle le Comte Dooku. C'est quoi son prénom déjà? Comte. Oh la vache, attends. Ça commence par un S. T'as envie de foutre la merde. C'est pas Sexy Boy Dooku, un truc comme ça. Simon. Simon. Simon Dooku. Voilà, c'était ça. Non, non, S, c'est le nom de sa planète qui commence par un S, je crois. Oh bordel, tu me détestes. Vas-y, tu peux le dire. Voilà, il vient de Sereno, donc ça commençait bien par un S. Sylvain. Sylvain Dooku. Sylvain Dooku, le grand. Comment on... Juste attends, mais c'est son prénom. Sylvain Dooku, c'est pas le Christ cosmique? grand monarque, un truc du genre, je sais plus. Je crois que c'est ça. Bon, écoute, je trouve pas, ça me casse les pieds. J'en étais où? Et donc, les 20 égarés, donc, ce sont des Jedi qui ont quitté l'ordre, pour une raison ou pour une autre. Et un des personnages du comics, oh bah c'est marrant parce qu'il est écrit par Kevin Scott aussi, comme Dooku Jedi Lost. Il y a un des personnages du comics qui s'appelle Keeve Trennis. Et c'est une des 20 égarés donc, qui ont tous une statue dans la bibliothèque Jedi. On voit celle de Dooku. J'ai mis plus de 10 ans avant d'apprendre que c'était une statue de Dooku. Quoi ? Sérieusement ? Oui. Quand la discussion dans l'épisode 2 entre Jocasta et Obi-Wan commence dans C'est peut-être parce que, encore une fois, j'avais lu la novélisation avant de voir le film. Pour moi, c'était obvious. Mais du coup, en fait, les 20 égarés, ouais, c'est les frondeurs, quoi. C'est les mecs qui se sont fait exclure du parti. C'est ça. Enfin, c'est plutôt eux qui sont partis. D'eux-mêmes. Pas comme Ahsoka. Ahsoka, elle s'est fait virer. Alors, elle est partie d'elle-même aussi, hein, franchement. Ouais, oui, elle s'est fait virer, et puis ils ont dit, oh merde, on l'a virée pour rien. Vas-y, tu peux revenir. Télédium, elle fait chier, elle est partie. Cet épisode, il est cool, d'ailleurs, parce qu'il nous montre, en fait, que c'est des gros cons. Hein, démerdez-vous avec vos merdes. Oui, non, c'est fantastique. Hein, Et justement, c'est un... A priori, Yoda l'avait bien connu, Keeve Trennis. Donc... Oh Alors moi, j'ai demandé à Lane s'il avait Ken, justement, parce qu'apparemment, maintenant, c'est la grande mode de faire Ken les personnages qu'on voudrait jamais savoir s'ils ont Ken ou pas. Bon, on n'a pas su me répondre. Bah, on s'est un peu déçu. Mais moi, on me dit, il a bien connu. Bah, pour moi, il a Ken. Donc, Palpatine a Ken. Pourquoi Yoda aurait pas Ken? Je suis désolé, c'est canon. Donc, je mettrai tout ça dans à la suite de l'épisode, un dernier concept art avec des droïdes qui font un peu neuf. Qui font vieux, quoi. Ils font neuf, mais ils font vieux, tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, oui et non. Enfin, il y a un petit droïde sonde, un petit droïde qui ressemble un peu à une sonde. Là, ça fait vachement penser au droïde qu'a le personnage principal de Battlefront 2. Oui, mais celui de droite. Bah, celui de droite, on dirait une très ancienne version d'un astromech. Mais c'est cool. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un type d'astromech. Et du coup, il y avait des gens qui ont demandé à Matt Martin. Enfin, je sais plus s'ils lui ont demandé ou un truc comme ça, ou si c'est lui qui s'est engagé dans une conversation, mais qui disait, Matt Martin, un des membres du story group, il a dit qu'il avait toujours trouvé ça un peu naze. Dans KOTOR et tout ce qui est Ancienne République, que la technologie et tout a exactement la même apparence que 4000 ans plus tard. C'est un petit peu pour ça que j'ai pas touché beaucoup à KOTOR, je l'avoue. Comment ? C'est un peu pour ça que j'ai jamais trop accroché à KOTOR, je l'avoue. Bah pareil. Pour moi, si ça avait une autre tronche, ce serait beaucoup plus mémorable. Que t'as des trucs qui ressemblent à des TIE Fighters, alors que les TIE Fighters, c'est censé être un nouveau truc. Oui, non, mais t'as envie de leur dire, les mecs, inventer un peu. C'est mais genre, du coup, en 4000 ans, ils ont toujours pas inventé Internet, ces gros cons. C'est tellement... Ça ressemble tellement à juste, en fait, c'est un mélange de prélogie et de trilogie originale, et c'est un peu. Je comprends l'idée à l'époque d'avoir voulu coller à l'esthétique et tout, mais ils sont pas allés assez loin. C'est juste ça, hein. C'est juste dommage. Il y a plein de trucs super beaux hein, dedans. C'est juste au niveau de l'esthétique globale, j'accepte plus facilement un truc de 30 ans qui ressemble qu'à un truc qui a 4000 ans. Alors, on fera un épisode sur les vaisseaux et je pourrais en parler à ce moment-là, mais oui, je suis d'accord. Un vaisseau, quand tu vois qu'une voiture, on va dire, dans le monde réel, un même modèle de voiture peut exister sur, je ne sais pas, on va dire, 6 ans, voire 8 ans, avec différents restylages en cours de route, à l'échelle d'une galaxie, si un vaisseau tient, on va dire, 15 ans et subit une nouvelle version au bout de 15 ans réactualisée, moi, ça ne me dérange pas. C'est tout à fait logique, on va dire, même, hein, simplement. Enfin, ça se tient, si vous voulez. Mais qu'on ait encore les mêmes designs au bout de 4000 ans, bah, par contre, là, ouais. Ça marche moins déjà. Du coup, c'est pour ça que j'ai hâte de lire les livres, mais j'ai encore plus hâte de voir l'esthétique qu'ils ont pour les comics. Oui, j'y viendrai aussi, parce que c'est important pour moi. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit tour, si vous voulez, maintenant, de ce qu'il y a, parce que qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura quelques trucs en plus, en fait. Il y aura donc. Bah, c'est limite ça qui m'emballe plus, en fait. C'est tout ce qu'il y a l'air d'avoir autour, parce que j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir des choses chez Titan. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Chez Titan, ils font des magazines. Ils font le Star Wars Insider, il me semble. Il y a Abrams qui font. Ouais, donc alors, rien à voir avec JJ, hein, mais c'est les Art of. Voilà, c'est les Art of. Tout ce qui est concept art. Ça veut dire qu'ils vont faire un livre de concept art parce qu'ils ont dit justement, pour ce projet-là, ils ont eu une espèce de sorte de pré-production qui ressemble à ce qu'ils font pour les films avec beaucoup de concept art. C'est pour ça que pour une fois, on nous annonce des romans, ou un roman en tout cas, et d'autres à venir, mais avec des concept art pour les Nihil, pour les droïdes, pour machin. Avant, on n'avait pas ça, hein. Non, c'est clair, et c'est super cool. Ce qui est très cool aussi, dont on n'a pas parlé, c'est que c'est pas les Yuuzhan Vong. Oui, tu aurais pu céder à la facilité, nous les ressortir, genre, ah bah ce coup-ci, c'est pas après, c'est avant, MDR. Ouais, c'est ça. Non, on a échappé à ça. Tout va bien. Mais oui, Abrams... Il y aura des mangas, a priori... Alors les mangas, ça serait les adaptations des romans. A priori. Ben, ce serait cool. Parce que c'est pareil, alors, le côté esthétique, tout ça, il me fait envie. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il existe une adaptation de Lost Stars de Claudia Gray en manga qui a l'air très très cool. Très joli. Très joli. Il y a les éditions DK qui font les guides, a priori. Donc voilà. Ça ben moi, je suis chaud patate pour tout ça. Ça veut dire qu'on va avoir des concept art dans un art-off. Rien que pour ça, je suis chaud. Et puis les concepts, puis les vaisseaux avec les plans en coupe, tout ça. Alors, je garde ça pour le tour de table, mais c'est quelque chose qui m'emballe énormément. Alors que tu étais le premier à râler au début. Mais je râlerai toujours. On a fait le tour ? Vas-y, ouais, tu peux commencer, vas-y. Alors pareil, hein, moi on m'annonce le truc, comme je disais, hein, ce jour-là, j'ai dormi jusqu'à midi, je me réveille, je vois Grushkov un petit peu en flamme, machin, je regarde vite fait, je vois les premiers concept art, des sabres laser, des mecs tout propres sur eux, ok, encore des Jedi, pareil, saoulé. Moi honnêtement, si j'aimais pas Star Wars, je serais pas là. Mais les Jedi, j'en ai un peu marre. Parce que dès qu'on va faire un jeu vidéo, une série, une histoire, machin, même dans Mandalorian, il y a quand même la force. On ne peut pas s'empêcher de venir te foutre des Jedi quelque part. Alors, on a le Alpha Squadron qui a l'air un petit peu à part. Mais oui, vas-y. Ouais. Non, j'allais dire, en même temps, le truc qui est aussi assez vrai, c'est que c'est comme si tu voulais un genre, je veux une préquelle de Harry Potter, mais sans magie. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, mais la tu vois force, ce que je veux dire, c'est oui, un peu force, le truc qui est spécial. Alors, oui, la force est toujours là, mais dans Rogue One, elle est là d'une autre façon. Ouais, mais après là, voilà, ils ont voulu faire le truc sur les Jedi. Dans Solo, elle est là, mais d'une autre façon. Je pense que là, elle est là, à mon avis, la force dans Solo, oui. Mais elle est là d'une autre façon. Un peu comme le destin, si tu veux, ou la chance, on peut mener ça un peu de la façon dont on veut, mais je pense qu'elle est quand même là. Même si c'est vraiment très très discret. Et moi, avec un univers pareil, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire, putain, mais les mecs, vous avez un univers, une galaxie entière avec le créneau temporel que vous voulez. On peut parler des bas-fonds de Coruscant comme de ceux de Rylod, de Corellia, de n'importe où. On peut aller n'importe où on veut, parler de n'importe qui. C'est un des rares univers où vraiment même le moindre personnage secondaire a un nom. Et une figurine, on peut aller super loin, on peut faire des trucs super cool. Mais à chaque fois, il faut quand même qu'on te ramène des Jedi dans le truc, comme si sans Jedi, ça n'allait pas marcher. Alors, j'imagine qu'il y a une très bonne raison à ça, et qu'effectivement, s'il n'y a pas de Jedi, ça ne marche pas aussi bien. Je veux bien le croire, mais n'empêche que moi, j'en ai un petit peu marre. Hein. On avait eu Bounty Hunter qui était super cool, il n'y avait pas de Jedi. Malgré ses défauts, c'était un chouette jeu. On voyait un petit peu les choses même par moment. Alphabet Squadron, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il vient de sortir en français et je suis assez chaud. Mais voilà, on a des pilotes. C'est vrai qu'il est très cool. Depuis les X-Wing, on n'avait pas eu grand-chose finalement à se mettre sous la dent aussi. Sans trop de figures Jedi, encore je crois que je dis de la merde parce que on avait le rebond avec Solo, même la trilogie Riposte, pour le coup il n'y a pas de Jedi, donc ça fait plaisir aussi. Bon, je dis vraiment des conneries. Mais voilà, moi j'en ai quand même marre parce que juste Claudia Gray, le dernier qu'elle a fait, c'est Master and Apprentice avec Obi-Wan et Qui-Gon. C'est pas forcément, même si j'aime beaucoup Obi-Wan, quelque chose qui m'attire. Et là on m'annonce un nouveau gros projet. Cross média, moi je suis super chaud, des bouquins en plus, je suis super chaud. Et encore une fois, c'est les Jedi. Donc ouais, sur le coup, j'en ai marre les Jedi, j'en ai marre des sabres laser, j'ai pas envie sur le moment. Maintenant, entre temps, il y a eu les Nihil, je vais pas sur les synopsis et puis ce qui est annoncé, ça vu comme ça a pas l'air foufou parce qu'on a vraiment, je pense, donné la surface et et dit comme ça, t'as l'impression que les mecs, ils sont montés dans une station spatiale, qu'ils ont appuyé sur un bouton, qu'ils ont coupé l'hyperespace et que tout le monde est dans la merde. J'espère que c'est mieux que ça. En tout cas, c'est pas ça qui va me plaire. La chose qui va me plaire le plus, c'est... Alors déjà, les Nihil, je trouve ça super cool d'avoir cette espèce de gang. Je crois que c'est un gang, d'ailleurs, ça venait comme ça, il me semble, avec... plein d'espèces rassemblées avec une esthétique un petit peu post-apo comme ça qui a l'air de vas-y. Un truc que j'ai oublié de dire, pardon, par rapport au fait qu'ils ont fait des concept art et tout, c'est que parmi les gens qui ont fait les concept art, il y a celui qui avait créé le design de Maul dans la prologie. C'est pour ça qu'on a un concept art qui ressemble beaucoup à un mall sur la couverture la pseudo couverture, on va dire, du Marvel, la variante d'ailleurs, je crois. On a une Twi'lek à droite, je pense que vous l'avez vu, hein, celui-là, avec une Twi'lek à droite avec une espèce de masque. Il y a un mec sur la gauche qui est bizarrement rouge avec des tatouages noirs. Donc je pense que voilà. Ouais. Ça doit être, lui, il a dû faire celui-là, je pense. Mais non, mais c'est cool. Mais c'est cool de savoir ça. Mais j'y viens. Voilà. Moi, sur le coup, le pitch de base, ça n'a pas l'air fou, mais pourquoi pas. Les Jedi en soi, alors, je me demande, et là, c'est le point qui me chagrine un peu. Alors, déjà, de base, les Jedi, j'en ai un petit peu marre, mais est-ce que voir des Jedi vraiment Jedi, si on peut dire, qui ne sont pas corrompus, qui n'ont pas des défauts, est-ce que ça sera intéressant? Et est-ce qu'ils ne vont pas être trop propres sur eux? Est-ce qu'ils ne vont pas être trop parfaits? Est-ce que ça ne va pas être juste des persos vanilla, sans grandes âmes parce que finalement, avoir un Kanan qui abandonne l'ordre, enfin, qui échappe, on va dire, à l'ordre 66, qui grandit en mettant de côté son côté Jedi, en oubliant tout ça parce que pour survivre, et qui finalement le révèle à la fin pour servir la cause, c'est intéressant. Avoir un Luke qui échoue à vouloir reconstruire l'ordre, c'est aussi super intéressant. Je veux dire, les personnages qui ont des défauts, c'est ça aussi qui font une bonne histoire. C'est avoir une Ahsoka qui va douter de l'ordre, qui va finir par le quitter, et avoir un Anakin qui est constamment tiraillé par ses émotions. C'est ça qui fait la force de ces personnages. Et aussi, alors là, est-ce qu'avoir des personnages qui sont vraiment dans l'idéal du Jedi, est-ce que ça va pas être un petit peu plan-plan? Alors, je pense pas. Avec que des Qui-Gon et des Obi-Wan. Voilà, mais je pense pas, parce que vu les auteurs qu'on a derrière, ça va sûrement gérer. Mais amener comme ça, on va dire, me vendre des chevaliers de la table ronde Jedi, des mecs qui sont tout beaux, tout parfaits, comme ça me vend pas du rêve. Mais je fais confiance aux auteurs, mais vu comme ça me vend pas du rêve. On peut avoir justement des défauts, tu vois, des personnages un peu pas trop forcément propres sur eux. En fait, ce que moi j'aimerais bien, ce serait que l'ordre en soi soit pas corrompu. Oui, et ça serait pas mal. les personnages, eux, peuvent être quand même différents. Justement, comme j'ai dit, il y a un des personnages principaux qui sera plus tard une des égarés, du coup, il y a quelque chose à faire. Donc, oui. Donc, non, mais je pense que je fais assez confiance à un mec comme Charles Soule, qui, même si je n'ai pas lu les comics, a l'air d'avoir fait un super taf sur The Rise of Kylo Ren. Et Dark Vador aussi. Sur Dark Vador, alors, même si moi, Dark Vador, j'en ai soupé, très honnêtement, j'en peux plus. Je pense qu'il serait peut-être temps d'arrêter un peu, Vador. Oui, Vador, je pense qu'il est rincé. Hein. Il est essoré complètement, là, faut le laisser un peu reprendre de la substance parce qu'il en peut plus, le pauvre. Mais alors Claudia Gray, ça, enfin, je fais confiance. Je leur laisse le bénéfice du doute, mais je leur fais confiance et je vais sûrement lire ce qui va en sortir. Mais voilà, me vendre comme ça en me disant, pour le coup, c'est l'ordre Jedi tel qu'il devrait être et on a des Jedi ou des Padawan tels qu'ils devraient être. Ça me vend pas forcément du rêve. Maintenant, je te demande qu'à voir. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais pas emballé, clairement. Et depuis, j'ai rien dit parce que je voulais garder ça un peu pour le podcast, mais j'étais vraiment pas chaud. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire, ce sera sûrement très bien. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'avoir vraiment une volonté derrière de Lucasfilm, je pense, oui, c'est eux, Lucasfilm et de ses auteurs, de vraiment créer dans l'univers Star Wars un tout autre univers, enfin une toute autre période. Et ça va être amené par toute la pré-prod qu'il y a eu derrière avec les concept art, tout ça. On va avoir un art-off, on va avoir des vaisseaux, des détails, des bouquins avec des coupes des vaisseaux. Enfin, ils ont vraiment l'air de vouloir poser les bases de quelque chose qui pourra servir éventuellement d'ailleurs à faire autre chose encore derrière. Et qu'est-ce qu'il y a, On vient de penser à un truc. Ils appellent ça la phase 1. Est-ce que tu penses qu'à la fin de chaque bouquin, tu vas avoir Yoda qui va venir et qui va faire de l'initiative Avengers, vous avez entendu parler? Jedi Avengers. Voilà. Non mais voilà, voilà, moi ce qui me branche beaucoup, c'est Lenny Hill déjà, parce que j'aime bien cette idée d'avoir une coalition des différentes espèces avec cette espèce de look un petit peu ouais, néo-tribal punk, machin, je sais pas. Un peu dans l'esprit des Cloud Riders, ça me parle beaucoup forcément, je suis super client. Mais ça peut être cool de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Leur motivation, j'espère qu'elles seront intelligentes, pas juste oh bon, on fait chier les Jedi. Et puis voilà, non, ça peut être que sympa. Et puis franchement, ça fera du bien de passer, enfin, pas forcément de passer à autre chose, mais d'avoir autre chose aussi à se mettre sous la dent, de voir un petit peu autre chose. Et on va pas juste se cantonner à un ou deux bouquins, on va vraiment avoir un univers à explorer via tous les autres publications, comme là les Abrams, les Hartoff, les schémas, tout ça, les coupes des vaisseaux. Il va vraiment y avoir, je pense, la possibilité même pour une nouvelle génération d'explorer Star Wars sous un autre, vraiment une autre dimension. Si, ouais, c'est pas forcément le mot que je cherchais, mais voilà, toute une autre facette de Star Wars plutôt, voilà, que une autre génération va pouvoir explorer. C'est plutôt cool, en fait, c'est super cool, mais personnellement j'ai quelques réserves, mais je demande qu'à être, encore une fois, qu'à être contredit et à être enthousiasmé par le résultat. Ok, merci, t'as fini de parler un peu? Oui. Quel gros cœur. Oui, j'ai tout dit, bah non, c'est bon, je m'arrête, je parle plus. Ok, merci beaucoup mon petit Matt. Et tu qui alors, toi, qui avais genre presque aucune information sur le truc et qui est un peu grumpy en ce moment sur tout ce qui concerne Star Wars. Qui ne le saurait pas. Bon, moi j'ai pas d'attente comme d'habitude. Moi j'aimais bien le. Enfin, ça m'a fait penser un peu à des trucs, comme je l'ai dit, à Alien ou à des trucs de jeux vidéo, donc pourquoi pas. Après, voilà, je suis pas enthousiasmée, je suis pas non plus blasée. Ça s'entend pas. Hein. Ouais, non, j'ai rien à foutre. Bon, blasé, hein. Je suis pas blasée, mais franchement, ça me touche pas. Tu sais, c'est droupi. non, je sais pas. Je vais bien voir ce que ça donne, mais pour l'instant, voilà. Ah, voilà, c'était plus rapide que toi, Matt, tu vois. Ah ouais, non, mais tu pourras tout couper, hein, tu pourras retirer 10 minutes, je pense, facile. et toi, mon petit Adrien? Alors, bah, moi, je suis un peu comme Matt, hein. Il y a beaucoup de trucs qui m'embêtent. Notamment le fait que ça traite principalement des Jedi. Alors c'est drôle parce que si vraiment le moi d'il y a 10 ans m'écoutait, il dirait mais t'es fou, les Jedi c'est trop stylé, c'est des sabres laser et tout ça. Mais entre temps j'ai grandi, j'ai compris que c'était juste une bande de gros cons. Mais Luc. Ouais, non, mais le truc c'est qu'en fait mine de rien je suis pas mal hypé parce que les auteurs sont cool, même si finalement je vais vous faire une confession ici, j'ai jamais lu de roman Star Wars encore, en fait. Attends, comment on bannit quelqu'un? Alors, clic droit. voilà, je vous l'ai dit, attends, c'est dit. Et on va t'en envoyer. T'as lu la novélisation de The Last Jedi, qu'est-ce que tu racontes? On va attendre ton anniversaire et puis on va t'envoyer un Claudier Gray et puis voilà. Non mais c'est prévu pour le coup. En fait, j'en ai acheté plusieurs, mais je les ai jamais encore lus. Et en fait, là, c'est l'occasion. Il y a pas mal de trucs qui me hype, comme le fait que on va trouver des nouveaux personnages, le fait que ce soit finalement une autre époque. Même si je maintiens qu'en fait, l'époque, je la trouve un peu trop rapprochée de la prélogie. Mmh. J'aurais bien aimé m'éloigner plus, histoire de vraiment n'avoir aucun lien d'attache, parce que là j'ai vraiment peur des références forcées à regardez, ici c'est Yoda, ou genre waouh, voyez ici, c'est le maître de Count Dooku, alors qu'en fait de Earl Dooku, pardon. Du coup c'est c'est un peu chiant, mais en vrai je pense que je vais vraiment kiffer, parce que les designs ont l'air d'être vraiment bien. Et encore une fois, même si j'aurais préféré naturellement avoir des personnages qui n'ont aucun lien avec les Jedi, ou très peu, hein, même, enfin, juste moi, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est juste des personnages Force sensitive sans pour autant être Jedi. En l'occurrence, bon, bah, je me contenterai de ça. Et en l'occurrence, je pense que ça va être bien. Et surtout, j'espère que ça va inciter bien Marvel qui et du coup Disney de manière générale, parce que je parle pas que pour les comics, mais finalement à faire d'autres histoires plus loin dans le temps, hein, quitte à vraiment wipe la Old Republic. Hein. Vraiment, moi, je voulais vraiment à la base. Quand même. Hein. Toi, tu voyais vraiment un reset de l'ancienne République, histoire de qu'on arrête de tout confondre avec le. Ouais, moi, ça m'aurait plu, mais c'est pas le cas. Ouais, ça m'aurait plu aussi. Ça viendra peut-être. Non, parce que là, pour le coup, il y a un jouet qui vient de sortir sur. Un jouet, non, c'est pas un jouet, mais c'est en gros le sabre de Revan officiel. Ils sortent des trucs légendes. Revan. Ah bon, ils sortent encore des trucs légendes. Ouais, puis Revan, c'est encore une machine à cash. Hein, c'est. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, j'espère. Moi, vraiment, la Old Republic, elle m'ennuie un peu. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir la High Republic, même si pour le coup, ben, ouais, Jedi tout le temps, bof. Après, si au contraire, c'est des Jedi qui, genre, eux, bah, sont des vrais Jedi, hein, donc c'est-à-dire des Jedi qu'on ne voit aucunement dans les films, sauf Rey quand elle soigne dans le 9, assez étonnamment. Là, elle se comporte en Jedi, je trouve, en tout cas, elle se comporte en l'image que j'ai d'un gardien finalement de la paix, enfin pas un gardien de la paix parce que ça fait penser au flic. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, un gardien vraiment d'équilibre. Bon, bonjour, je suis Jedi, gardien de la paix avant tout. C'est trop ça. J'ai un sabre laser. Mais voilà, en fait, le truc c'est qu'il y a plusieurs types de Jedi. Il y a le bon Jedi et le mauvais Jedi. Et vraiment, en fait, genre, je pense que moi, j'aimerais vraiment m'intéresser, en fait, à tous les Jedi qui vont se poser des questions, parce que pour moi, c'est le plus intéressant, en passant par, enfin, de Rey à Luke lui-même, hein, en passant par Ahsoka, par Anakin aussi, où justement, bah, il y a toujours quelques petites questions, des remises en question de l'ordre général, en fait, de l'ordre en tant que tel. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas juste des Jedi à qui on dit. Vous avez une mission là-bas, faites votre mission et tuez les méchants, quoi. Et en fait, j'ai un peu de réserve dans le sens où, ben, sur tous les concept arts qu'on voit où il y a des Jedi, ben, ils ont tous leur sable dégainé, quoi. Oui, disons que pour un message anti-guerre, c'est moyen, à moins que ce soit vraiment le côté Jedi protecteur, mais je ne sais pas forcément montré tel que cela. Après, c'est des images promotionnelles aussi, c'est ça. Oui, aussi, bah, faut, en même temps, tu montres. Et les sabres laser, ça fait vendre, hein. Oui, c'est ça. Faut admettre que les Jedi et les sabres, ça fait vendre. Et sans ça, bah, peut-être que les bouquins se vendraient moins. Je pense que si Claudia Gray a fait un bouquin sur Obi-Wan et Qui-Gon, c'est pas non plus parce que c'était ses persos préférés, forcément. Après, à voir, mais j'ai vraiment, même si, comme dit, hein, je fais confiance aux auteurs, mais j'ai vraiment peur de me retrouver avec des Jedi un petit peu en mode Space Marine. Ouais, pareil. Bah, trop balèze, trop badass, trop sérieux et qui font suivre le code à la lettre, des espèces de dictons comme ça. Et autant ça marche dans Warhammer parce que dans 40K parce que c'est volontaire d'avoir cette espèce de parodie comme ça de personnages endoctrinés qui vont te sortir. Oui, c'est ça, c'est un endoctrinement cesse que dans la mort, machin, des mecs qui te balancent des phrases comme ça, des punchlines toutes pourries tout le long, alors que t'es là, tu te dis, mec, c'est de la merde ce que tu dis. Autant pour les Jedi, bah, ça me paraît plus compliqué. Et j'espère que vraiment, on va pas tomber dans ce travers d'avoir des personnages, ou alors peut-être justement un, et à côté, un autre personnage qui va être là en mode lui dire, bah, mec, t'es sérieux, calme-toi, calme un peu ton cul, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut être éventuellement intéressant, mais même si je fais confiance aux auteurs, j'ai un peu peur qu'on tombe dans ce travers-là. Ouais, pareil. Après, pour le coup, j'ai assez hâte de m'intéresser un peu aux Nile parce qu'en fait, donc les méchants. Parce que déjà, comme tu dis, ils ont un look trop stylé qui, moi, me fait penser aux méchants de Tortue Ninja. Mais, il y a un petit côté Bebop et Rocksteady, oui. Mais vraiment, ouais, et j'aime trop, en fait. Et au-delà de ça, en fait, je pense pas que ce soit, comme tu as dit tout à l'heure, une sorte de confédération. Je pense que c'est vraiment des groupes indépendants. En fait, c'est, à mon avis, c'est le mot pour genre pirate, tu vois. Je pense que c'est des genre des tribus ou des, ouais, ouais. Des de pirates un petit peu qui ouais, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que c'est plutôt ça. Et en fait, ça me ferait plaisir parce que du coup, ben, j'aimerais bien qu'il y ait des fictions sur un groupe en particulier, tu vois, qui genre vit sa life, qui est ni méchant ni gentil, qui n'est pas dans la République, mais qui fait un peu ses bails de son côté. Et là, pour le coup, en fait, avoir une histoire de pirates dans Star Wars, je vois pas de meilleur contexte occasion nous offrir. Ouais. Parce que honnêtement, dans le canon actuel, je crois qu'on est un petit peu lèche au niveau pirate. À part les Cloud Riders, il n'y a pas de pirates, en fait. On a les Cloud Riders. Si, on a ceux de résistance. On a les pirates de résistance. Et, on a et dans Clone Wars aussi. Comment il s'appelle, le mec, le Nikto, là ? Hondo. Oui, voilà, Hondo. Hondo qui est une légende. Mais au-delà de ça, on a aussi dans Riposte, la trilogie Riposte, un début de quelque chose avec des pirates avec à leur tête et un leader j'allais dire androgyne mais je pense pas que ce soit le mot, on va dire peut-être gender fluide plutôt, il me semble, si je dis pas de conneries, il faudra m'allumer sur Twitter si jamais c'est le cas, mais on a voilà une espèce de leader pirate comme ça et qui a un pronom neutre je crois et qui essaie de rallier pas mal de vie en anglais, c'est ça. Ça, c'est dans Last Shot, mais on Un peu comme ça, un petit peu tout au long de Riposte. J'ai plus ton nom en tête, mais il y a un début de quelque chose qui, bah, finalement, n'a pas abouti visiblement, ou alors c'est peut-être en stand-by, je ne sais pas. Mais c'est vrai que niveau pirate, on n'a pas grand-chose. Alors, ça peut être intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Et je me demande si, du coup, le fait qu'on aille sur la. Apparemment, parce que ça peut encore évoluer, mais la variante de la couverture du comics, le fait qu'on aille ces nihil, ça peut peut-être aussi vouloir dire qu'on va peut-être avoir d'un côté les romans orientés Jedi et d'un côté le comics orienté nihil. Ça peut être super, enfin nihil, ça peut être super cool d'avoir les deux points de vue. Puis après je me dis au moins chez les Jedi on a Farzala, donc moi ça me va du moment qu'on a Farzala, c'est, pour lui c'est bon, c'est... ou Farzaza, hein, je sais Farzaza. Peu importe. Voilà. Ok. Mais toi, Grushkov, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu me laisses parler pendant 2 heures. Mais... Moi, ça m'a saoulé au début que. Il y ait Jedi, évidemment. Mais j'étais pas le seul, finalement. Ça m'a saoulé que ce soit 200 ans avant. Mais en même temps, c'est du coup, contrairement justement à tout ce qui est Old Republic, il y a une fin obligatoire. Ils sont obligés d'arrêter leur histoire au bout d'un moment. Ah d'ailleurs oui, dans le moodboard, c'est que 200 avant. Je l'ai évoqué rapidement, mais je crois que dans le moodboard, il y a vraiment marqué une vraie fin. Ouais, il y a marqué une vraie fin. An actual end. Ouais. Génial. Mais ça montre bien que ils sont tous été trop decks de la fin de je trouve qu'il y a de ça. Hein. On fait vraiment. Tu peux voir ça à mon avis, mais. Ouais. Quel bon auteur ne serait pas. Non mais vraiment, ouais, c'est ça en fait. Comme on disait, c'est que scénaristiquement, l'épisode 9, il rime à rien. C'est ça le truc. C'est surtout que c'est justement c'est tous des fans de Star Wars en plus. Donc... Mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Donc oui, une vraie fin, c'est autant un tacle qu'une volonté derrière eux, pour, je pense, de pouvoir boucler la boucle. Non mais en vrai, ça date de 2018, donc je pense pas que c'était un tacle, justement. Et c'est ça qui rend le truc encore mieux, parce que... Parce que les mecs, ils ont mis ça sur leur truc et ils savaient même pas. Ils savaient même pas. C'est d'autant plus probable, parce que ça voulait dire que les mecs, dès le début du projet, ils se sont dit, on va pas vendre un truc qui a pas de fin. On va terminer et puis on va essayer d'aller au bout et puis qu'au moins les gens aient quelque chose à se mettre sous la dent, qu'il y ait une conclusion. Quoi. Ouais. Après, je veux dire, il y a forcément une fin à la période, mais tu regardes la période de l'Empire, elle dure aller 30 ans, même pas. Même pas, genre 25 ans à dur, la période de l'Empire à peu près. Et ben, il y a quand même des masses de trucs, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a une fin chronologique, mais pas dans la production, tu vois. Donc après, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais je pense que l'histoire principale aura une fin, c'est surtout ça. Ouais. Que... Est-ce qu'il y a une histoire principale, c'est ça aussi, tu vois. Oui, je pense. Sinon, ça ne servirait à rien qu'ils y soient tous ensemble. Et qui bossent tous ensemble dessus, parce que sinon ils pourraient tous faire leur propre truc. Oui, c'est vrai. Enfin, ils ont fait l'histoire ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont échafaudé ensemble le déroulé du truc. Ah oui, je pense. Voilà, a priori, ils ont déjà tous entre eux une timeline définie des événements principaux. Ouais. Jusqu'à la conclusion, quoi. Est-ce qu'ils ont déjà. Je pense qu'ils ont déjà la conclusion. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il y a entre. Oui, bah, comme. Non, non, mais ils ont peut-être les événements majeurs, on va dire. Ouais. Ce qui m'embête avec tout ça, c'est que on va avoir plein de gens qui vont dire ouais, ben voilà, là, ils ont tout planifié, c'est pour ça que c'est bien, alors que contrairement à la postlogie où ils ont pas planifié et c'est pour ça que c'est nul, alors que non, je suis désolé, la postlogie elle a été rendue nulle parce que les mecs avaient aucun talent pour écrire la fin. Déjà, ils ont mis le truc qui était planifié depuis le début, qui était la rédemption de Ben Solo, et c'est ce qu'ils ont dit depuis le début qui était. Ça, c'est à peu près tout ce qui était planifié, je crois, non ? C'est tout ce qui était planifié, mais voilà, ils l'ont mis dedans. Est-ce que ça fait que le. Bah non, ils ont fait de la merde juste après. Ils ont fait de la merde 45 secondes juste après. Tu peux avoir un plan, faut faire gaffe à ce que tu. À comment t'écris les trucs autour. C'est pas parce qu'il y a un plan que ce sera meilleur. Ce sera meilleur parce qu'il y a des gens talentueux dedans qui en ont quelque chose à faire et qui, justement, et c'est là le gros truc qui me plaît le plus par rapport à ça, qui n'a rien à voir avec les films de base et qui, du coup, sera pas de la pure branlette de fans de la trilogie originale. Pour ça, ça va être bien cette nouvelle époque parce que du coup, on va peut-être pouvoir passer à autre chose et arrêter les clins d'œil de merde. Ouais. Un autre truc qui est très intéressant par rapport à la création de ce projet-là, c'est que donc tout ce qui est Star Wars publishing et tout, même si voilà, il y a Marvel pour les comics et tout, Disney, c'est pas forcément le truc qu'ils maîtrisent, dans lequel ils vont foutre leur nez. Le nez, oui. Justement, Bob Iger, il pourra plus foutre son nez dedans. Il y a Kathleen Kennedy donc qui leur a dit allez-y, faites plein de trucs nouveaux dedans. Faites ce que vous voulez. On vous donne cette période-là. Je crois que c'est même eux qui ont choisi la période, je sais plus. Mais voilà, faites ce que vous voulez là-dedans et faites. Ça c'est bien nouveau. Ça qu'elle leur ait donné carte blanche comme ça. Autant j'adore l'épisode 8. J'aurais préféré qu'au lieu de faire une suite à la saga Skywalker, eh ben qu'ils fassent une toute nouvelle licence. Ça nous aurait épargné beaucoup de fanservice, mais je pense qu'il était trop tôt en fait, à mon avis. Ils avaient besoin de faire le raccord avec l'ancienne trilogie pour relancer la machine. Ce qui est intéressant justement dans ce projet, c'est qu'il va y avoir matière, alors je ne sais pas à quelle vitesse de parution ça va venir le reste, mais au-delà des romans, il y aura matière à se plonger dedans. Et justement, et pas seulement de se dire, bah voilà, j'ai lu un roman sur 400 ans avant, machin, et hop, je le fous sur l'armoire, sur l'étagère, c'est oublié. Là, tu pourras te plonger vraiment, et apprécier le design, imaginer plein de choses, tel qu'on l'a fait finalement. Alors, peut-être pas pareil, parce qu'il n'y aura pas de film à côté, mais un petit peu comme on a pu le faire avec la période impériale, ou la prélogie, ou même la postlogie. Il y aura autant matière, a priori, que derrière un film. Sans film, mais avec un art-off, avec des bouquins. Il y a même plus de matière qu'un film. Hein. Oui. Un livre, c'est plus long qu'un film. Surtout qu'il n'y a pas qu'un seul bouquin. Il y a un bouquin, il y a déjà une série de comics. Il y a largement de quoi tenir. Je pense, du point de vue, comme on disait, un publishing, il y a largement de quoi tenir 15 ans, hein, facile. Ah oui, non, mais même plus, après, ils peuvent faire comme ce qu'ils veulent. Hein. Mais quand même, je maintiens que moi j'aurais préféré en fait que cette trilogie là elle se passe soit genre très très longtemps avant le 1, soit très longtemps après le 9 en fait. Histoire de en fait, après le 9 ça m'aurait fait plaisir parce que je serais passé à autre chose, tu vois. Genre littéralement, le 9 serait dans le passé, tu vois. Ouais, mais très honnêtement, je pense pas que ce soit possible parce que après. T'aurais forcément eu soit un destroyer en ruine dans le fond comme sur Jakku, t'aurais forcément. Mais ça c'est pas grave, tu vois. Un vaisseau qui marche encore ou une connerie. Oui, mais ça c'est pas grave, mais genre juste. Une ruine de palais impérial, t'aurais forcément eu un truc. Ouais, mais je voulais juste en finir, genre juste maintenant le 9 c'est dans le passé, on est genre 800 ans après le 9 et genre Rey elle est morte, tout le monde est mort maintenant et genre une nouvelle génération et on construit, tu vois. Le mec qui a vraiment envie d'en finir. Tout le monde est mort, j'en ai marre. Non, mais vraiment. Mais en mode Kylo Ren, hein. Genre, let it all die, tu vois. Ouais, bah finalement, ça aurait pas été si mal. Oui. Mais Tuki, on t'entend très peu. Oui. Je sais pas quoi dire. Mais t'as pas des attentes, rien, t'en as marre, tu veux arrêter. T'en as marre, c'est pas de ils sont vraiment trop cons, ces deux-là. J'ai vraiment pas d'attente, en fait. Je sais pas à quoi m'attendre maintenant, après ce qu'ils ont fait. T'es trop blasé. Même pas pour faire Zaza? Non, c'est pas mon style. Et Luna à côté. Ouais, elle est stylée. Lula, par contre. Lula, c'est plus son style. Lula. On n'a pas trop parlé. Attends, Lula ou Lucas? Lula. Non, c'est Lula. Lula. Lula ou c'est Lula. Un C ou un L? Lula. L-U-L-A. Non, on est d'accord. C'est un C. Hein. On va faire un podcast sur la typographie, maintenant. ok. Et puis du coup, je me suis perdu dans mes trucs, mais. Pardon. Ouais, voilà. Et puis bon, finalement, coup, j'attends de voir pour les Jedi, parce que écoutez, on n'a jamais vu les Jedi être des bons gars. on a vu Qui-Gon, même si finalement il faisait que suivre les ordres qu'on lui avait donnés. Ouais, et puis voilà, l'ordre était déjà tout pourri en fait autour de lui. Donc, en plus, Qui-Gon était déjà considéré comme un Jedi un petit peu dissident avec un peu de faire. Et puis le mec, il débarque quand même disant. Ouais, vous voulez pas que ce soit mon apprenti, bah je m'en bats les couilles, je vais quand même le former. Il y a vraiment le mec qui s'en fout, aucun truc que je veux. Donc voilà, c'est pas forcément le meilleur. Le pire, c'est quand on est en mode ok. Ah ouais, genre. T'as l'impression qu'il se font genre ouais, de toute façon, c'est Qui-Gon, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais le former, vous allez faire quoi? Non, c'est ça. Ouais, vraiment. Rien dire, ils font trop le seum, ils font bon, bah d'accord. Mais putain, il nous a eu ce bâtard. En fait, les mecs, après l'entraînement de Qui-Gon, ils ont fait une grosse fête en mode yeah, il nous cassera plus les. Non, mais c'est qu'avant, ils se sont concertés. Ils ont dit putain, les gars, il y a une audience avec Qui-Gon, il va nous faire chier. Alors peu importe ce qu'il dit, les mecs, laissez-le parler. Il fera ce qu'il veut. Il fera sa responsabilité. Nous, ce soir, on se fait un petit resto tranquillement. Eh bien. Il va lui parler. Il y a juste Mace qui essaye, tu sais, il fait non mais ouais mais non mais pas parce que Mace c'est parce que non je m'en branle. Mace c'est parce que c'est Mace c'est un gros connard en même temps. Non mais c'est parce que c'est lui qui paye le resto et il se dit putain merde de l'autre côté faut que j'aille inviter les copains au resto. Je pense qu'un jour il faudra quand même qu'on admette et qu'on fasse un épisode sur pourquoi Mace Windu est un gros connard. Mais pour moi c'est le vrai méchant de Star Wars hein. C'est un des méchants de Star Wars, je suis tout à fait d'accord. Mais clairement. De Star Wars. Ça se trouve, c'était le seul mec qui prenait son boulot vraiment à cœur. Tu vois, le gars qui a pas peur de faire des heures sup, qui fait des rapports bien rédigés et tout. Et du coup, il voit les autres blancs faire n'importe quoi. Il est oh, eh oh, je suis pas venu là pour vous quoi, faire de la. Non, mais le mec, il est macroniste, je vois que ça. Ok, bon, bah là-dessus. Mais, qu'est-ce non, que je voulais dire ? Je sais plus. Oui, alors juste rapidement, on avait un autre artwork avec les Nihil et on a aussi une Togruta dans l'eau. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Oui, on a une Togruta et je crois qu'eux, ils sont dans la zone d'expansion. Alors, je ne sais pas si c'est la bordure médiane ou la bordure extérieure, je ne sais pas d'ailleurs, du tout. Mais on a aussi une Togruta, donc c'est finalement, c'est encore des espèces qu'on connaît déjà, mais. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une coalition d'espèces non humaines, finalement. Mmh. Et je suis quand même très curieux. Je crois qu'il y a aussi un Malastar, comment on appelle ça, les Gan, je crois, ou les Gran, je sais plus. Non, sur Malastar, c'est les Dug, non? Non, pas les Dug, pas Sebulba, hein, comment on appelle ça? Oh là là, je vais y arriver. Putain, on est vraiment nul en lore, c'est incroyable. Dégueulasse. Ça se trouve, ceux avec trois yeux, c'est les Grans. Ils ont trois yeux, là, et puis ils ont une espèce de bouche. Qui ressemble à une chèvre, ouais, ou un bouc. Voilà, ouais. Les Grans, voilà, ouais. Tout ça pour dire j'ai l'impression qu'il y en a aussi un sur un artwork, sous l'espèce de masque. Donc, on dirait vraiment une coalition des espèces non humaines, un petit peu de la bordure extérieure. Et ça, c'est toujours aussi cool, en fait. Ça se trouve, c'est eux les gentils, en fait. Mais en plus, attends, mais c'est que des filles en plus là dans l'artwork où ils sont blanc gris ou tout jaune là, c'est que des femmes ou c'est écrit Nihil concept female? Bon. Non, je pense que le female, c'est juste pour la... le... Ouais, c'est ça. Alors non, parce qu'il y a marqué trop... 7 avec un S. Bah ouais. Bon. Ah, j'avoue, ouais. Je sais pas. Peut-être. Pour moi, la Grans et la Togruta, de toute façon, vu les cornes, enfin les Apmadis, c'est clairement une femelle. À gauche, c'est un Togruta mâle. Devant. Non, c'est pas un Twi'lek, ça, plutôt. C'est pas encore une autre espèce, c'est pas l'espèce du c'est conseiller de... Si, oui, bah, oui. Non, c'est l'espèce de Massameda. Massameda. Alors là, on est en plein dans l'or, pour ceux qui connaissent rien, ils vont pleurer du sang. C'est l'espèce de celui qui est au Sénat avec Palpatine, c'est un chagrien. Tout bleu. C'est un chagrien. Ouais, mais je pense que c'est un chagrien. Et oui, chagrien, notre ami. Alors, par contre, podcast. Ça, c'est la bordure intérieure, si je dis pas de conneries. Et du coup bah, pour le, bah, c'est pas de la bordure extérieure, donc c'est des mecs qui ont rejoint les Nihils, enfin les Nihils, je sais pas comment on dit, j'en ai plus rien à foutre maintenant, vu l'heure qu'il est. mais clairement, enfin, on a différentes espèces qu'on connaît et qui sont. Je suis de plus en plus emballé, en fait, j'allais dire. Ouais, en fait, pareil. J'allais dire, ça se trouve, les Nihils, c'est plein d'aliens qui se sont mis ensemble parce qu'ils en ont marre que les humains foutent la merde, vraiment, les colonies, ils foutent la guerre partout. Ouais, c'est des anarchistes, en fait, ça se trouve. J'espère que c'est vraiment pas juste des idées de design comme ça, que les mecs ont juste pris différentes espèces qu'ils trouvaient cool et sur lesquelles ils ont foutu des masques un petit peu technopunk et que ça va plus loin que ça. Mais sur le papier, ça a de la gueule. C'est emballant, c'est clair. Moi, vu comme ça, là, je me dis une espèce de coalition de pirates non humains qui mettent sur la gueule les Jedi parce qu'ils en ont marre d'être de pas considérés. Bah forcément, ça me parle. Au final, tout le monde va kiffer les Nihils, et personne sera du côté des Jedi, tu sais. Bah franchement, ouais, là vraiment, bon, sauf Farzala, mais. Les Nihils et de gauche, vous l'aurez entendu ici en premier. tout ça pour dire que donc la Togruta c'est l'arrière-grand-mère de Ahsoka et d'ailleurs elle va avoir une relation avec Yoda et c'est pour ça que Ahsoka est la mère. Ça suffit. Ouais, mais d'ailleurs en parlant de ça, bah, finalement peut-être qu'une fois que Dave Filoni aura terminé son bordel avec Ahsoka et qu'il passera à autre chose, enfin, il s'intéressera peut-être à cette période une fois qu'elle sera bien ancrée. Et qu'on aura peut-être une série animée sur la Haie République. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais, why not? Plutôt que des films, même, ce serait mieux. Ouais, c'est vrai, une série animée. Bah, ouais. Tu sais que des films, moi, je ne suis pas forcément demandeur de films. Enfin, à moins que tu me sortes des solos, ou dans l'esprit, évidemment, mais ouais, des petits one-shots comme ça. Non, mais moi, je veux juste des one-shots dans l'univers de Star Wars. Qui suffisent à eux-mêmes. Hein. Solo, j'étais très content, machin. Tu me sors ça une fois tous les 3 ans, à la rigueur, en attendant autre chose, je suis content. Mais voilà, mais une petite série par Dave Filoni dans la République qui s'inscrit dans ce que les auteurs ont prévu, pourquoi pas. Tu sais, t'as la série qui va bien, là, et puis à la fin de la première saison, t'as Ahsoka qui arrive. Oui, je suis passé par le monde, pas à travers les mondes. Ah la vache. Oui, toujours monte. Crève. Le mec, qui peut pas s'empêcher de la foutre partout. Ouais, vraiment. Non, mais... J'adore Ahsoka, non, mais crève. Salut tout le monde. Il s'est retenu pour The Mandalorian. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Ceci dit, on rigole et tout, et forcément, je serais le premier à me moquer, mais si Ahsoka débarque dans The Mandalorian en live action, je chie sur la moquette, hein, qu'on soit d'accord. C'est à la fin. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, t'inquiète. C'est à la fin du Mandalorian, il confie le petit personnage à Ahsoka, et c'est pour ça qu'on la voit plus après et qu'elle aide, personne, c'est parce qu'elle élève le petit personnage. Mais vous! Ouais, je chiale. Hein, je chie sur la moquette et ensuite je chiale. Mais oui! Tu peux faire les deux en même temps. Pardon, je sais pas encore. Vraiment, ça sent la. Moi, je viens juste en je voulais dire, Ahsoka adopte le petit personnage. Le petit personnage, oui, merde. Le petit personnage. Oh putain. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait avec le petit personnage. Mais oui, c'est génial. Mais non, bah, finalement, bah, je pense qu'on est, on est quand même tous un petit peu emballés. À part Tuki, qu'on a plus rien à foutre, qui est complètement morte à l'intérieur depuis l'épisode 9, on est un petit peu tous emballés par cette histoire quand même. Donc vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Twitter @FauconPod, sur Facebook Faucon Millennial évidemment, sur là où vous nous écoutez, hein, comme d'habitude. Et le mec n'a plus rien à foutre. Quoi. C'est... Faites gaffe à votre voyage en hyperespace. Attends, avec vous. Attends, il a un jingle. Faut que je prenne la place de 10 minutes. N'oubliez pas d'aller voir sur Facebook et de mettre des étoiles sur iTunes. Et puis je le trouve un peu dur. Voilà. Ciao. Bisous, au revoir.